Bonjour, 9 avril 2025. La pire folie que j'ai jamais vue depuis le COVID. La pire affaire que j'ai jamais vue. Une journée de fou. C'est réellement ça. C'était la folie. Ben franchement, là, je vais essayer. Je ne sais pas si j'ouvre d'autres fenêtres, si je vais perdre. Je suis encore là, oui, bon. Alors, 4 328 piastres et 60 l'once, ça redescendu un peu. À un moment donné, c'était rendu 4 383 et 50. Je l'ai vu péter le 3 500, moi, dernièrement, il y a quelques jours. Là, le Dow Jones. Hey, on a pété. Il t'a eu une montée. À 13h15, 13h15, ça a monté jusqu'à 14h25, que ça, il y a eu une montée de 6,39%. 6,39%. J'ai pas vu ça depuis le COVID. C'est vraiment une affaire de fou. Une affaire de fou. Bonsoir, Phil. C'est dans les pires journées que j'ai jamais eues. J'ai le cœur qui me débat. Je parle pas d'une des pires journées dans le sens que des journées de perte, là. Au contraire. Mais j'ai jamais été stressé de même. Ça va tellement vite. Il y a des affaires, là. Ça oscille. Ça va tellement. C'est incroyable. J'ai passé une partie de la journée avec ma souris. Clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic. À surveiller tout le temps, c'est comme surveiller une friteuse sur le feu. Je vois pas d'autre comparaison. Pendant des heures, des heures, des heures, là j'arrête. Je suis plus capable, il est 14h55. J'ai besoin de repos. J'ai besoin de repos. Ça a pas de sens, ça. C'est quoi ça? Il y a juste les Américains pour faire des affaires de même. C'est des malades. C'est des. La montée qu'il y a eu du Dow, je ne sais même pas pourquoi. Je suivais le cours de l'or, je suivais le Dow Jones, je regardais ce qui se passait, je n'ai rien compris. Je n'ai pas été voir les journaux financiers. Les affaires ne sont pas mises à jour assez vite, puis je n'ai pas regardé les journaux trop. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que j'ai rarement vu de la volatilité comme ça. Ça bougeait, mais tellement vite, mais tellement vite. J'ai épuisé. Ça n'a aucun sens. Bonjour, bonsoir, bonjour José. Ici, c'est le jour encore. Il est quoi, là, déjà? Je viens de le dire, 14, il s'en va 15 heures. Moi, je suis tanné. Pour aujourd'hui, ça va faire. Puis c'est tout en non sollicité, fait que je le sais même pas. Je vais le savoir demain, même que je me lève vers 3 h du matin, 3 h 30 du matin. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Bon après-midi, Lionel. Ça n'a aucun sens. J'ai vu ça pendant le COVID, mais même là, c'était pas de même. C'était pas à ce point-là. Puis pendant le COVID, ce qui est intéressant, c'était des affaires comme Air Canada, des affaires de même. Mais là, non. Là, c'est d'autres affaires. Ce qui est solide, ça gigote comme un poisson sorti de l'eau. C'est épouvantable. C'est vraiment épouvantable. Il y en a aujourd'hui que ils ont dû capoter. Ils ont dû capoter. C'est pas l'affaire que. Je veux dire, comme la montée qu'il y a eu là, il y en a qui se sont passés à côté parce qu'ils ont des occupations. Bonsoir, Jacques, bonjour. Ils vont sacrer en rentrant chez eux, là, mais qu'ils voient. Il y en a, ils programment ça sur leur téléphone. Ils savent que leur téléphone, mais veut pas, dépendamment de vos occupations. Faut être là tout le temps. Faut surveiller tout le temps. Comme je vous dis, j'étais avec ma souris. Clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic. Je peux pas regarder tout en même temps. Fait que je me concentrais sur certaines choses. Mais il reste que ça n'a aucun sens, ça. C'est la deuxième fois que je vois quelque chose du genre. La première fois que j'ai vu ça, c'était pendant le COVID. Les premiers temps là, du confinement, là, que tout était fermé, puis qu'il y avait eu une forte baisse, puis après ça. Mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. J'ai perdu 2 abonnés. Bon vent. C'est parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe. Bon, mais c'est pas notre problème. Qui décolle. Ce que les Américains sont en train de faire, c'est criminel. C'est criminel. Ça, c'est du braquage organisé. Moi, je considère ça comme c'est criminel ce qu'ils font là. C'est clairement concerté, là. Ça n'a aucun sens. Comment est-ce qu'on peut agir comme pour faire c'est incroyable. Comment est-ce que quelqu'un qui est à la tête d'un pays et son équipe peuvent agir de façon à jouer comme ça? Ça n'a aucun sens. Ça devrait être interdit. Vraiment, là. Voyons donc. Comment ça se fait que le bonhomme avec le toupet jaune, il éternue puis tout bouge de même? C'est pas ça le rôle d'un dirigeant de pays, me semble. Puis ces chums, eux autres, probablement qui en profitent, puis ils savent d'avance. Puis là, les répliques de Xi Jinping, on s'en doute que, ouais, même s'il y a une guerre commerciale entre les deux, eux autres et tout, là. Eux autres et tout, ils spéculent. Je veux dire, il y a la bourse de Shanghai, il y a la bourse de Hong Kong. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je considère que c'est de la folie. C'est vraiment de la folie. C'est ça qui mène le monde. C'est ça qui mène le... Ça n'a aucun sens. Comment est-ce qu'on peut voir des quantités pareilles apparaître puis disparaître si rapidement? Moi, ça me dépasse. C'est réellement de la folie. On est rendu dans un monde qui a pu... Tout a été décidé en avance. Je sais bien. Ben oui, c'est pour ça qu'il y en a qui se dépêchent, hein? Ah, ça n'a pas de bon sens. Mais même là, ils sont en train de solidifier des montées. Comme un escalier, on dirait. Mais c'est juste une affaire des mafias qui essayent de se partager un gâteau mondial. C'est un gâteau mondial. Comment chercher du sens dans une société absurde? C'est pas la société, ça, c'est même pas la société. C'est un monde abstrait, kabbalistique. Moi, je le vois de même. C'est vraiment un monde ça ressemble à, c'est comme un astral fait de chiffres qui bouge. Oui, c'est basé sur le concret, mais ça ne l'est pas. Ça se peut pas, là. Ça bouge bien trop. Oui, consolide le gâteau. Ben oui, puis là, ils vont se séparer. Mais il reste que ça ne devrait pas être possible. Ça ne devrait pas exister. Il y a quelque chose là-dedans qui est inacceptable. Moi, ça me dépasse. Il faut vraiment le voir en direct pour comprendre. Puis il y a des affaires, si vous avez pas vous pouvez pas le voir, mais ça a vraiment aucun sens. On s'en va où? Parce qu'il n'y a plus rien qui est. Juste m'y retrouver, là, j'étais tout mêlé. À un moment donné, parce que je passais d'un affaire à l'autre, puis là, à un moment donné, là, je revérifiais, puis je l'avais peur de faire des erreurs. J'avais peur. Tu sais, c'est là que je viens le cœur, là. Puis là, quand je vois que j'ai passé à côté. Maudite. C'est n'importe quoi. Comment fonctionne l'économie en fait qui décide d'imprimer? Ouais, c'est même pas ça, là. On est dans les valeurs mobilières. Puis, c'est même pas c'est même pas les monnaies, c'est plus stable que ça. Les monnaies, c'est pas mal plus stable que ça. Comme ça, là, le dollar canadien doit être rendu à quoi? 71 cents, je pense. Il ne faut pas que je vous perde. Faut pas que vous me perdiez. CAD. Cours CAD par rapport à l'USD. On est à 60. Regarde, ça n'a pas bougé. On est. Ben non, c'est 71 cents américains que le dollar canadien vaut. Ça bouge pas, ça. Pas tant que ça, c'est pas pareil, là. Ben oui, la volatilité. C'est comme toutes les révélations, une en arrière de l'autre, tout est complètement inversé. Ben, Moi, je vous le dis, on est dans le monde de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie, là, parce que on voit des fonds qui c'est lié à la vie du monde, c'est la vie des gens. Ça va jouer sur les salaires des salariés, ça va jouer sur les fonds de retraite de des gens qui ont travaillé toute leur vie. Puis je vois ça gigoter. Pourquoi? Parce qu'il y a des sorciers qui jouent dedans. C'est vraiment monstrueux. Moi, je trouve ça monstrueux, dans le sens de énorme. C'est tellement gros, puis ça bouge tellement vite. C'est inacceptable. C'est dans le même temps. En même temps, quand on vit ça fait des montées puis des baisses d'adrénaline, puis il y a de l'euphorie. Puis c'est là, on finit par comprendre que y a rien là, hein, y a rien là, hein, la drogue, ces affaires-là, c'est rien à côté de ces affaires-là. Ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, c'est vraiment, moi je considère ça, on est dans de la. C'est un monde qui est réellement kabbalistique, parce que c'est tout chiffré. Mais c'est abstrait, mais c'est concret en même temps. C'est de la sorcellerie. Moi, je vois pas comment appeler ça autrement. En ce moment, tout est fait pour faire disparaître le papier. Tout est sur un écran. Ouais, mais même là, ça a de la valeur pareil, le papier. Parce qu'au niveau des devises, il y en a en ce moment, là, ils achètent du papier, hein. Ils achètent du. Puis, bon, c'est assez concret parce qu'on peut se faire livrer des devises. Puis, avec ces chiffres-là, on peut acheter aussi des métaux. Là, il y a des métaux stratégiques qui commencent à prendre de la valeur parce que la Chine. Hein? C'est la Chine, puis entre autres la Corée du Nord. Puis, c'est quoi j'ai vu? Donc, il y a eu un accord, Trump, il a fait un accord avec un petit pays, là. Un petit pays de rien, mais qui a énormément de métaux, des terres rares, des métaux rares. C'est quoi donc? J'ai vu ça un matin, vers 4 heures du matin. Je l'ai pas revu. En ce moment, tout est moins. Oui, mais tout est instable. Ben, c'est comme le reste. Qu'est-ce qui est stable, dans le fond? Ça a tout le temps été comme ça, là. C'est parce que là, il y a une crise. À un moment donné, des fois, quand ça vient que ça bouge plus, là, ça devient plate, on sait plus quoi faire. Mais là, ça va bien trop vite. Moi, c'est de voir aussi, moi, c'est de voir les gens qui prennent position par rapport à cette guerre commerciale-là, puis, mais ils n'ont aucune idée comment ça marche. Ils n'ont aucune idée c'est quoi. Ils n'ont jamais touché à ça. Moi, je le vois, je veux dire, on peut spéculer. Quelqu'un qui a les moyens, il peut faire tomber la monnaie d'un pays en spéculant dessus. C'est des criminels de guerre économique comme il y en a, comme Trump, dans mes yeux. C'est criminel ce qu'ils font là. C'est une vraie guerre. Il va y avoir des morts. Il va y avoir des conséquences. Tout va trop vite, justement. Ça n'a jamais été aussi vite. Ben, pendant le COVID, à un moment donné, ça n'avait pas de sens, là. Hier, je vais à la banque. Il y a des itinérants qui rentrent dans le lobby de la banque, puis la police fait rien. Mais là, j'imagine qu'ils ont été sortis parce qu'il y avait du sang. Il y avait à terre, par terre, il y avait de la merde, puis il y avait du sang. Ça m'a vraiment. Là, je dis aux employés, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, le monsieur qui faisait la maintenance, il dit, oh, c'est les itinérants. Ben oui, c'est les itinérants. Je regarde les employés de la banque, je dis, ben oui, mais. Là, elle dit, ben la police, on l'appelle, mais ils font rien. Là, j'ai failli dire, ouais, mais les autres sont à contrat avec la ville, puis vous subissez un préjudice, vous pouvez porter plainte contre la ville. D'après moi, à une cour municipale, vous pouvez. Je peux pas croire qu'il n'y a rien à faire. Mais il reste que d'un autre côté, c'est comme si j'ai vu quelque chose là-dedans. Il y a des affaires qui s'en viennent. On s'en va vers de l'instabilité sociale, de l'enfer. Vraiment, là, on s'en va vers un enfer social en Occident. Puis tous les immigrants que les Américains sont en train de chasser après avoir fait venir exprès pour créer de l'instabilité, puis là, ils les chassent, ça risque de mal. Bon, j'ai dû manquer des affaires. En ce moment, tout est fait pour. Oui, mais tout était. Oui, tout va trop vite. Oui, ça va être très laid. La pauvreté, la précarité de plus en plus grande, oui. C'est parce qu'on s'en va dans un monde que C'est dommage, mais ça va falloir comprendre des choses plus subtiles que ce qu'on nous a enseigné. Comme quand je repense à E.T. Green qui disait, j'ai rien appris d'utile à l'école. L'école que j'ai été, c'était dans le temps, les jeunes filles de la haute société, il y avait des cours de maintien, ils marchaient avec des livres sur la tête. Des livres sur la tête. Il y avait des cours pour avoir une bonne prononciation avec des crayons dans la bouche, puis des choses comme ça. Puis elle est sortie de là en colère en disant, on m'a rien appris. C'est encore comme ça. C'est encore comme ça. Puis elle disait, puis d'ailleurs, si j'ai regardé des archives de son écriture, puis c'est une personne qui faisait beaucoup de fautes d'orthographe, mais elle savait compter. Puis c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. J'ai vu sur eBay, il y avait des écrits d'elle à vendre, des papiers d'elle à vendre. Mais bon, c'est pas moi qui vais acheter ça, là. Mais il reste que on a des échantillons d'écriture, puis l'important, c'est de savoir compter. Il n'y a rien de plus important que ça. Puis les grands intellectuels, ils servent à rien. Ça sert à rien. Ces affaires-là. Les idéologues, c'est du monde dangereux. Ils sont là pour noyer le poisson. Puis épaissir la soupe, c'est tout. Ils servent à rien, ils nuisent. C'est du monde nuisible, ça. Livre sur la tête et crayon dans la bouche. Au lieu de livre dans la tête et crayon dans la main. Oui, mais même ça, c'est pas mieux. Ça sert. Moi, j'ai des cousins qui sont venus cet été, puis ils riaient de moi parce que j'ai encore ça. J'ai encore des choses comme ça. J'en ai plusieurs, j'en ai partout. Puis ils trouvent ça drôle. Ben oui, mais c'est vrai que ça sert à rien. Les véritables essentiels, pourquoi vous pensez que c'est des gens médiocres qui ont le pouvoir? Que c'est des dynasties, que c'est des héritiers? Que c'est parce qu'on leur a transmis ce qui sert vraiment. Ce qu'il faut vraiment savoir. Quand bien même que vous lisez la philosophie des idéalistes allemands comme Kant, puis Hegel, puis ça sert à rien, ces affaires-là. Ça sert à rien. Toutes les mois. Après ça, il y en a qui choquent parce que je leur dis les affaires d'intellectuels, ça ne m'intéresse pas. Ben oui, mais crime, ça sert à rien. Ça sert juste à justifier des choses injustifiables, dans le fond, à nous perdre dans le virtuel de la pensée puis de l'intellect. Mais dans les faits, c'est pas ça. Pour être contrôlé, ben oui. Dans le fond, c'est des choses que c'est comme prenez tout le wokisme et ces affaires-là. Oui, c'est des idéologies qui servent à rien, mais qui nuisent, mais en même temps, c'est là pour qu'on soit là à chialer que ça sert à rien puis que ça nuit. Ça nous occupe. Pendant ce temps-là, il se passe des choses qu'on n'a pas idée. Je veux dire, ce qui est en train d'arriver par rapport à cette guerre commerciale-là, j'écoute des économistes à des émissions, que ce soit en France ou ils disent n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce qu'ils disent. Anne-Marie Dussault, quelle tarte! C'est une idiote! Qu'est-ce qu'elle fait à parler avec des économistes? Puis eux autres, oh, bah, puis là, elle est là. Elle a l'air d'une cloche avec une femme dedans. Sais-tu, est-ce que c'est voulu, ça? Je veux dire, est-ce qu'elle se rend compte? Est-ce qu'elle se rend compte à quoi elle sert à traiter Trump de... Comme, c'est irrationnel, c'est juste parce que c'est des gens irrationnels. Il n'y a pas de plan. Ils improvisent, eux autres. Ah ouais? C'est pas ça que je compte. C'est pas ça que je vois, moi. C'est... Hein? C'est juste de la diversion, les gens voient rien, c'est ça. Effectivement, ils disent n'importe quoi. Non, elle sent. Ben, je le sais pas. Elle, c'est quand? C'est la femme à. Comment il s'appelle lui? Le groupe Les Cyniques, là. Le moustachu des Cyniques. Pas celui-là qui s'est sacré par la fenêtre, là. Il y en avait trois, me semble. Ben, lui, celui qui tripe sur la monarchie, là. Ben, ça en est de la monarchie, ce monde-là. C'est un peu comme notre monarchie au Québec, Anne-Marie Dussault. Puis, c'est un peu notre monarchie, ces gens-là. Je veux dire, c'est dur de trouver du monde plus guindé. Mais guindé, dans le vrai sens du terme, c'est quoi quelqu'un de guindé? C'est quelqu'un d'emprunté. Mais ben, voyons. Un instant, ce sera pas. Ah, c'est ça, Marc Laurendeau. OK. Ah bon, ben ça explique tout. Ben oui, je trouvais ça bizarre. Je me dis ça va être pour ça qu'ils voulaient m'en rejoindre. C'était pour me dire ça. Ah ben tant mieux, je suis rassuré. Ah oh, ben c'est parfait, merci beaucoup. Bye. Bon. Les prochaines semaines vont être... Hey, bonjour Monique. Ce qui va arriver les prochaines semaines, les prochains jours, ça va être crucial. Ça va déterminer beaucoup de choses. C'est clair. Quand TVA nous met quatre visages en gros plan pour nous parler de politique et d'économie, ils ont l'air de quatre Teletubbies complètement gelés. Ben, c'est une génération... Mais il reste que, mais je sais pas si l'oiseau moqueur s'était pogné depuis le début, mais c'est dans les journées, les pires journées que j'ai jamais vues. Ça n'a pas de sens. Je sais même pas. Il va falloir que j'attende. Je sais. La plupart des affaires, c'est en non sollicité. Puis faut que tout qui calcule, eux autres. Là, après, je vais savoir. Ça allait trop vite. C'est n'importe quoi. J'haïs ça, moi, pas savoir. J'ai essayé de faire des calculs vite fait, là, mais même là, ça marche pas. Là. Ça, j'ai aucune idée. La seule affaire que je sais, c'est que ça monte, ça descend pas, mes affaires, c'est tout. Là. Je sais que j'ai eu une bonne journée. Ce que je fais d'habitude dans 3 ou 4 jours. Mais à part ça, j'ai aucune idée. Puis même là, j'ai de la misère à me fier sur eux autres. Puis là, on va me faire charger des frais de... Maudit que c'est stressant. Bonjour Stéphane. Belle King. Nous vivons une période d'involution. La patience engendre la volonté. Ben, je sais pas. J'ai de la misère un peu à réfléchir normalement. Là. J'ai tellement été sur le stress toute la journée. D'après moi, c'est une IA qui sort les textes des nouvelles au jour le jour. Ben, il y a des affaires que ça dépend là, de quoi on parle. Des fois, oui, là. Mais il reste que... Ah non, c'est vraiment, là... Moi, j'ai jamais vu... Même pendant le COVID, des fois, c'était spécial. Ça allait vite, puis... Mais aujourd'hui, là, j'ai beau cliquer le plus vite que je peux, ça change. D'habitude, je clique. Ça reste pareil. Mais là, je le clic. Ça arrête pas. Tellement que là, je fais des opérations puis tout, puis là, il faut que je revérifie, puis ça va bien trop vite. Et un être humain ne peut pas. Si ça continue, c'est des machines qui vont faire tout. Parce que là, à un moment donné, on n'est pas des. Ça n'a pas de bon sens. Je ne suis pas un ordinateur, moi, là. Là. J'ai avec ma calculatrice puis mon crayon. Puis je me promène, je regarde les cours, puis là, je reviens. Puis, mais à un moment donné, là, puis là, après, je change de... Là, je viens... La tête va me sauter, ça n'a pas de bon sens. C'est n'importe quoi. Je peux bien croire, moi, en tout cas, avoir quelqu'un qui fait ça pour moi, je prendrais un Asiatique. Parce que là, faut avoir tout le filage dans la tête pour ça, parce que ça n'a pas de bon sens. Ou peut-être un juif, mais là, il faut le surveiller. Il n'y a pas rien que ça à faire. Non, je vais retirer ce que je viens de dire, là. Mais il reste que... Maudite merde. C'est inacceptable, hein? Un monde de gérer de même. C'est pas normal. Ça va trop vite. Ça va. Avant, tu regardais le journal, tu faisais un coup de téléphone. Master, t'imagines-tu le nombre de personnes qui vivent ça en même temps? Ben, je le vois. Je le vois. Dans le sens qu'à Maton, que vous regardez un titre, Puis que là, vous regardez la valeur, vous voyez les transactions, vous voyez le nombre d'offres. Puis là, il y a tant pour tant, il y en a tant qui veulent acheter pour tant qui veulent vendre, mettons. Puis là, vous voyez le nombre, le flux de transactions, puis vous avez tout, là. Puis vous le voyez. Puis là, vous cliquez, là. Puis là, ça change, là. Puis ça bouge. Puis là, tout d'un coup, oups, il y en a 13 000 qui veulent. Tu sais, à un moment donné, il y en a 100 pour 13 000 à un moment donné. Ça devient, ça c'est juste une affaire. Il y a des milliers de titres. La CBC il y a eu une montée de leur valeur aujourd'hui. Mais ça, en même temps que tout le monde, c'est le Dow Jones qui est levé. J'ai même pas regardé encore comment ça. Les journaux, ils n'en parlent pas. À un moment donné, il flou que ça lève. Là. Voyons que c'est qui se passe. Il y a une pointe, là, un mur qui est levé dans les airs. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi? Je le sais pas. Je sais juste que moi, ça m'a refait remonter l'adrénaline. Je regardais bien. Là, il y a des affaires. Je me suis débarrassé. Ben, j'étais sûr que ça allait pas. Bon, en tout cas. Bonsoir, Bertold. Ravi de vous voir. Ben, moi aussi. J'aimerais mieux de meilleur état, là. C'est une grosse journée aujourd'hui. Très grosse journée. Là, j'étais inquiet parce que j'avais pas de nouvelles de mon frère. Là, c'est ça. C'est ma nièce qui me donnait des nouvelles. Ça fait 5 jours. J'essaie de le rejoindre. Je suis pas capable. Là, j'apprends, c'est parce qu'il est parti. Il est parti d'un autre pays. Bon, il se promène, lui. Hein? Il a du fun, lui. Bon, je ris parce que je me rends compte, j'ai une vie de marde. En même temps, j'aime ça. Tu sais, j'ai des émotions fortes, mais c'est une vie de marde. Je peux pas, moi, me permettre de me promener. Surtout pas là. Je peux pas me permettre de rien. C'est hypnotisant, je trouve, ben. C'est parce que on devient obsédé. Je veux dire, je pense à rien d'autre, là. Quand je me lève, là, la nuit pour aller aux toilettes, là, je regarde les cours de l'or. C'est comme ça. Je me réveille vers 3h du matin, 3h30 du matin, je regarde tout de suite qu'est-ce qui se passe en Asie, qu'est-ce que. Je regarde tout ça. On vient qu'on dort pas beaucoup. On pense rien qu'à ça. Puis j'ai pas le choix, c'est ça que je fais. Mais il reste que c'est pas le fun. Je me rends compte que j'ai une vie de stress épouvantable. D'un autre côté, je regarde le monde puis je me dis, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte qu'il se passe des affaires, il s'en vient des choses, il va y avoir des bouleversements sociaux, là. Puis ils s'en rendent pas compte. Fait que là, je me dis, je serais-tu mieux? Je fais quoi, moi? Je vais continuer à faire ça. C'est, en tout cas, bonsoir, énergie. Justement, c'est pas une vie, je trouve. C'est un choix. Ben, c'est pas une vie. J'aime mieux la vie que j'ai là qu'avant. Dans le fond. Mais il reste que. Là, j'ai besoin de mon secrétaire. Il n'y a personne qui veut. Il va falloir que je prenne des déménageurs. Le monde, il vous aide quand ils ont le coin en retour. Là. Mais à part ça, là, quand c'est de l'aide pour de l'aide. Là. J'ai opté pour les fourrir dans tous les domaines. Bon. Le pire, c'est quand c'est fermé, moi, je m'ennuie. Hein. Je m'ennuie. Mais là, c'est trop intense, là. Là, ça met, j'ai plus de fun. Là. J'ai pas de fun, là. C'est sûr que par les chiffres, tu peux voir des choses que les autres. Ben, bonsoir, François. Ben, bonjour, bonsoir. Mais vraiment, je vais avoir besoin de repos. Mais c'est qu'on est mercredi, c'est pas fini. C'est pas fini. Puis je le sais que je vais être fébrile. Même la fin de semaine. Mais je viens que je déteste le vendredi parce que. Puis j'ai rendu mon jour préféré, c'est le lundi matin. Parce que c'est ça. C'est pas fini, ça fait juste commencer. Ouais, mais je parle, la semaine n'est pas finie. J'ai l'impression que ça fait un mois qu'elle dure. Je dors moins. C'est ça. Mais c'est toute la faute à Trump. J'ai jamais haï quelqu'un comme j'ai haï cet homme-là. Ils m'enlèvent l'espérance de vie, ils me font pomper le cœur, ils vont me faire crever. Puis, ce n'est pas s'épuiser lorsque le problème ne dépend pas de nous. Mais c'est pas juste ça, c'est parce que les autres, et tout le monde dépend de ça. Que vous le sachiez ou pas, c'est ça qui mène le monde. Hein? Si t'es dans Bellechasse, Beauce, Québec, et que t'as besoin de bras, ben non, je suis plus loin que ça, pas mal. Bonjour Sabrina, merci quand même, là. Justement, le stress excite les cellules. Bon. Hein? Vous vivrez centenaire, peut-être. Peut-être. Ouais, j'ai remarqué ça, c'est des écœurants de même, ils vivent longtemps. Ben, je regarde, j'ai bien aimé laquelle. J'en ai fait trois aujourd'hui, je pense. Je pense, deux ou trois. Il me semble que j'en ai fait trois. Je le sais même plus. Mais je le sais que c'était tout lié à ça. C'était tout lié à ça. Mais il reste que. Il y en a qui disent, hey, Trump, il est en train de mettre la terre, le mondialisme. Hey, oui, c'est ça. Ça, là, c'est d'être cave, pas à peu près. Ça, c'est des choses les plus stupides que j'ai entendues. Les écœurants comme ça, même la mort en veut pas, moi. Moi, la Chine, avec les propos chinois. Moi, j'ai parlé les Chinois. Vous avez vu les Américains comme dans une espèce d'usine de manufacture? Ben, c'est la propagande des Chinois, ça. J'ai trouvé ça, c'est de la propagande faite par le gouvernement chinois, ça. Ben, je l'ai trouvé bonne. J'ai trouvé ça tellement drôle. Voilà la gang d'obèses dépressifs en avant de leur machine à coudre. Eh bonne. Vraiment, là, c'est une stratégie théâtrale. Ben, c'est tout le temps du théâtre. Tout le temps, ça a tout le temps été. Même il y a longtemps, même. Mais il reste que là, c'est parce que c'est rendu tellement sophistiqué. On est rendu tellement loin. Je comprends même pas comment les gens font pour croire tout ça. Croire quoi? C'est pas une affaire de croyance, là, ça a une incidence réelle. Je veux dire, du jour au lendemain, quelqu'un qui pouvait pas tout d'un coup peut acheter un bloc appartement de 6 logements. Du jour au lendemain, quelqu'un qui était millionnaire, il est quasiment dans la rue. Les conséquences sont réelles. C'est comme là, il y en a qui capotent, là. Moi, ils ont de l'humour, oui. C'est un humour très subtil. Pas rendu quand nous reviendrons à l'âge de pierre. Bon, ça arrivera pas, ça. Voyons. Hein? Autour de moi, les gens commencent à se réveiller. Ah oui. Ça fait 25 ans, j'entends ça. Ce qu'ils voient dans ces propagandes économiques et la guerre, moi. Mais ça a des incidences réelles. Il est en train de se passer. Là, ils ont arrêté des Chinois en Ukraine. OK, c'est assez inquiétant. Ça ressemble un peu à l'entre-deux-guerres, oui. Oui, on se croirait dans les années 30, c'est vrai, ça. Ah oui, il s'en vient. C'est pour ça que c'est important d'être. Quand que ça va. En tout cas, moi, ça ne réveille pas pantoute autour de moi. Moi, ben. Souvent, le monde dit, ah, ça commence à se réveiller autour de moi, c'est parce que la personne est endormie qui a dit ça. Mais je dis pas, je parle pas de la personne qui a dit ça récemment, là, mais il reste que. Ah, c'est épouvantable. C'est vraiment épouvantable. C'est comme là, il va falloir que. Ah, je me rappelle la première vidéo que j'ai publiée, je chialais qu'il faut que le Deep State y arrête Trump. Il y a un petit peu d'humour, puis il y a du show là-dedans, là. Je l'avoue, là. Il y a de la provocation aussi, parce que je le sais qu'il y a ben du monde qui tripe sur Kennedy, puis moi, pas pantoute. Là, tu sais, je suis pas en train de dire Trump, c'est pas ça, là. Mais moi, d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, il va falloir on peut avoir un break. Si, je connais que le nombre n'y est pas encore. Le nombre. Oh, moi. Mais ben, franchement, il se passe des. C'est comme. Ben là, le dollar canadien, il prend de la valeur parce que le dollar américain en perd. Ça, j'haïs pas ça. J'haïs pas ça parce que j'ai tout le temps voulu avoir une vraie chaudière en pla à plancher en acier galvanisé avec des vraies roulettes là, en caoutchouc vulcanisé là. Puis c'est une compagnie qui s'appelle voyons comment. C'est un jeu de mots avec Rolls-Royce, mais c'est Rolls, en tout cas. Mais c'est des Américains qui la font. Mais elle est tellement chère, leur maudite chaudière à plancher. Elle est tellement chère. Ben, ça fait un bout que je veux en avoir une. Peut-être que je vais me faire un cadeau dans quelques temps. Je verrai, là. Mais celle que j'ai, je l'aime pas. Mais d'un autre côté, je devrais même pas regarder pour des affaires comme ça. C'est rien que, ben, moi aussi, ça me prend des motivations. Ça me prend des, mais faut le faire, hein. Je dois pas avoir toute ma tête. C'est comme, qu'est-ce que je regardais, là? Il y a encore des tordeurs avec des rouleaux, puis des ressorts, là, que, tu sais, c'est du matériel que d'habitude, il y a ça au-dessus des les gros lavabos de conciergerie. Mais c'est des choses qui se font tellement rendues rares, qui se font plus, qui sont tellement de grande qualité, que si jamais un jour j'ai à entretenir une maison, je veux des affaires dans ma. Ah, oh, il dort à cette heure-là, le chat. Il est couché. Il dort. Je peux aller le chercher, vous prouver qu'il est encore là. Mais l'affaire, c'est. Mais ben, franchement, là. C'est bon de se gâter des fois. Ouais, moi, je me gâte avec des affaires que la plupart du monde dirait, voyons donc. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Mais il reste que. Moi, j'aime ça, les affaires de qualité. Que c'est bien fait. Puis quand je suis tant qu'à être pris pour laver mon plancher moi-même, j'aime autant que ça soit avec des choses de qualité. Comme les vraies serpillières, là, en bois franc, là, avec les affaires en acier au bout, là, que la mope s'enlève, puis elle se remet, puis que c'est vraiment en coton de qualité, là. Puis en tout cas, mais c'est cher, ces affaires-là. C'est tellement cher. C'est comme justement, j'ai fait un montage, puis on voit dedans, c'est People Under the Stairs, la scène là, que l'autre se fait garrocher dans le sang là, pour laver le plancher. La chaudière en plancher, c'en est une chaudière en acier galvanisé avec des roulettes, comme je dis. C'est de qualité, ça. Mais ça se fait plus depuis. Il s'en fait encore, mais c'est tellement cher. Mais je parle que en trouver, là, c'est plus trouvable ça depuis le milieu des années 60. J'ai 62 ans, ben franchement, tu es un être à part, ben. J'ai l'impression que j'ai pas d'âge, que je dois être à part. Mais il reste que j'ai tout le temps voulu avoir. C'est comme j'allais dire avoir. Je veux avoir ce que je n'ai jamais eu. Mais il reste que je le sais c'est quoi, une bonne chaudière à plancher. Je suis capable de reconnaître des affaires de qualité. C'est comme qu'est-ce que je regardais l'autre jour? Les tapis. Mais aujourd'hui, un vrai tapis de qualité, là, c'est autour de 60 000 piastres. On vit dans un monde, justement, s'ils ramènent le manufacturier, puis peut-être qu'on va retomber dans un monde où les gens vont être obligés d'acheter des objets beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chers, mais qui durent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps. Parce que c'est de qualité, des vrais souliers faits à la main avec des clous, puis en cuir, puis ça va faire les souliers de plastique Nike, c'est de la marde. C'est même pas des souliers, ça, c'est des espadrilles, ça s'appelle. C'est pas ça, des souliers. Puis des espadrilles, c'est pas fait pour marcher dehors, c'est fait pour faire un certain sport. Le monde, il porte ça à journée longue, il se promène sur la rue avec ça. Mais oui, mais quand vient l'hiver, là, puis voyons, là, c'est pas ça, des souliers, c'est de la marde, ça. Bon, je viens carrément méprisant de ça. Quand je vois quelqu'un avec ses running, là, je le regarde en moi. Hein? Non, mais pas à part, mais très lucide. Point, peut-être. Des fois, je trouve ça lourd. Je suis meurtri depuis des années. Il ne change pas. Une constance à toute épreuve. Moi, ben. Il y en a qui me connaissent qui trouvent que j'ai changé. Mais c'est parce qu'ils me connaissent sur 20 ans, 20. Hein? Trump vient d'annoncer 90 jours de pause. Ah, c'est pour ça. Ah, maudine. Heureusement que j'ai gardé des affaires. Heureusement. Hein? C'est vrai que le monde se sont laissés noyer par le mauvais, pas cher et jetable. Eh oui. C'est pour ça que moi, par exemple, j'aime beaucoup les objets chinois, mais c'est pas sûr que le monde achète d'habitude, là. Hein? Car je sais, je le suis aussi. Ah oui, Lucide. Oui, d'accord avec vous, la tablette du CERN. Trop drôle pour la précision du CERN. Ah oui, la tablette du CERN. C'est drôle, ça ne me dit rien. Mais c'est sûr que John, mes cousins, lui, il est rendu, il a 6 blocs appartements. Lui, c'est surtout l'immobilier. Il a 6 blocs appartements. Il a 2 ans de plus que moi. Il n'est pas vieux, là. Mais il a tout le temps été. Moi, ça a été long avant que je devienne plus sérieux que je... Ça a été long. Avant que je comprenne, là, que j'étais dans... J'étais, moi, dans une espèce d'idéalisme qui n'était pas réaliste pendant longtemps. La table, la belette. Ah, oh, la belette. Ah oui. Oh, faudrait que je regarde là, ben, je suis perdu un peu. Il n'y avait pas eu une belette qui avait introduit dans le CERN. Une belette dans le CERN? Ah, je ne sais pas. Là, je vous avoue, je suis fatigué pas mal. J'ai eu un gros effort intense toute la journée. Puis, même là, ça me relaxe là, de parler d'autres choses. Ben, franchement, j'ai de la misère à réfléchir normalement. J'ai tellement passé la journée concentré, puis fébrile, puis en plus, bon, peut-être je mange pas toujours comme il faudrait, puis super pseudo. C'est juste le pseudo Berthold. Oh. Mais Berthold, c'est... Voyons, c'est de l'ancien... En tout cas, il y en a eu des Berthold, il y en a eu en masse. Ça veut dire brillant, il me semble. Mais quand je l'ai pris, je ne savais même pas que ça voulait dire ça. Je savais qu'il y avait eu des Berthold dans l'histoire. Il y en a un, c'est lui qui a fondé le monastère du Mont Carmel, je pense. Il me semble. Berthold aussi, la cuisine tunisienne. Moi, ben, je peux pas vraiment essayer grand-chose. Je veux dire, je suis pas vraiment de la marge pour ça, tant que ça, là. Ces temps-ci, je mange beaucoup de la cuisine indonésienne. Pourquoi? Parce que je me commande des nouilles instantanées par caisse de 30. C'est ça que je mange tous les midis. Fait que, c'est comment que ça s'appelle, donc, la sauce indonésienne, là? C'est de la sauce soya sucrée, là, avec du sucre de canne dedans, là. C'est Kesak, la sauce Kesak. Bon, il y a ça dedans, là. C'est des petites enveloppes, c'est noir. Mais bon, j'aime ça dans le sens que ça me nourrit, puis ça coûte pas cher, puis ça goûte pas si pire, puis bon. Mais tunisienne, l'affaire, c'est tout ce qui est beaucoup de légumineuses, puis de choses comme ça revient cher. J'ai du mal aussi avec l'alimentation. Je ne suis pas très inspiré ces derniers temps. Ben, le matin, je mange un œuf tous les matins. Puis le soir, dernièrement, là, je mangeais de la viande. Je me fais un plat de viande pour la semaine. Puis je le réchauffe le soir, là, puis... Mais j'aimerais ça un jour être capable de manger plus sainement, là. Salut Berthold, je te cite dans mon article intitulé « Avec le long métrage documentaire de Nicolas de la Sablonnière, nous découvrons l'univers de mon ancien compère Daniel T. Tremblay. » Ah oui. Ah, alors, je vais avouer que je sais pas trop de quoi vous parlez là. Idem pour l'œuf le matin. Ah oui, avant je mangeais une pomme tous les matins. Puis là, ben, je fais de même pour les protéines. Oui, c'est vrai que je mange, mais depuis que ma mère est plus là, je mange moins bien. Donc, une viande une fois par semaine. Ouais, mais je veux dire, je me fais un repas de viande, puis je le mange le même toute la semaine. Mon repas du soir, c'est tout le temps de la viande, puis j'en fais une fois par semaine, puis je mange la même chose toute la semaine. Tandis que quand ma mère était là, ben je variais plus. Mais maintenant, là, c'est juste une corvée manger. Je suis ben trop occupé. Puis le soir, ça me tente plus. J'ai pas de loisirs non plus. J'ai vraiment une vie. Non, je la trouve pas ennuyante, mais je me doute que c'est pas une vie normale. Je me dis pas. On arrive au printemps, cela va vous aider. Moi, ben, je vais pouvoir sortir un peu plus. Puis... C'est une citation concernant Trump tirée de l'une de vos vidéos. Ah, oh, c'est bien possible. C'était quoi? Avec le long métrage de hockey. Ah. Oh. Mais Trump, j'ai tellement dit d'affaires sur lui. Il y en aurait assez pour qu'il me poursuive. Je ne ris pas ben ben moi non plus, ok. Moi, ouais, je vais possiblement avoir des poules. Ça me manque. Les œufs d'épicerie sont plus achetables. Ah ouais, pas aussi bon. Ici, on est chanceux, on a y a un cultivateur qui en tout cas, c'est de qualité quand même. Je me suis acheté un distributeur d'œufs. C'est une affaire en plastique avec étagé, puis là, je mets mes œufs dedans, puis là, à mesure que j'en prends un en bas, ils descendent. J'ai mis ça dans mon frigidaire, là. Bon, des fois, ça marche pas tout le temps bien, là. Faut que je le brosse un peu. J'en ai une dans mon jardin, une poule. Oh. Ouais, je me rends compte, je suis vraiment fatigué. Quelle journée épouvantable. Ça va être pareil demain. Je faisais quasiment rien au début de la semaine. Je bougeais pas. Je regardais mes affaires descendre. Puis là, j'étais enragé. J'étais choqué. Puis je me maudis Trump, maudit Trump, maudit Trump. Là, aujourd'hui, maintenant, ça va faire, là. Faut que je recommence à bouger. Faut que je fasse de quoi? Faut que je recommence à spéculer. Je peux pas laisser mes affaires baisser. Ça n'a pas de sens. Je peux pas regarder ça puis rien faire. Fait qu'aujourd'hui, ça a monté. Puis, bon, mais il reste, ça me fait une journée de marde. Là, les petits yeux, oui, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Trois ou quatre poules, c'est rentable. On finit par donner des œufs à toute notre famille. Ouais, mais ça pond n'importe où. Faut aller les chercher. J'avais une amie qui avait des poules, puis ils pondaient n'importe où. Fallait les trouver des fois. En tout cas, Berthold, s'il vous prend l'envie de venir en France, pas de problème pour le gîte et le couvert. Ouais, mais il faut que je prenne l'avion, puis moi, je crois pas à ça, les avions. Hein? Puis. C'est ça. Ne panique pas, c'est surtout ça. Ben non, j'ai pas paniqué non plus. Ben, j'ai eu une panique, oui, à un moment donné, il y a des affaires, j'ai vendu, j'aurais pas dû. Ben, j'ai eu peur. Mais recommencer à spéculer, ça me tente pas. Mais bon, t'as surtout besoin de modifier ton état d'esprit. Bon, il se passe tellement de choses dernièrement, puis il faut que j'organise un paquet d'affaires. Il y a un paquet de choses qui me stressaient, que c'est pas réglé non plus. Non, je la mienne, c'est devant la maison qu'elle pond dans un bac à fleurs comme un cadeau qu'elle me donne. Ah oui. Bon, c'est beau ça. C'est le fun. Avoir une poule, ben franchement, ici, c'est pas zoné, j'aurais pas le droit, là. Puis, hein, je suis trop fort. Mais bon, non, il y a un paquet de choses que ça me stresse, là, qu'il faut que je règle. J'ai besoin de mon secrétaire. J'ai beau le dire partout autour de moi, faut que j'aille chercher. Mais le monde, il allume pas. J'en ai besoin, Christ. J'en ai besoin pour travailler. J'en ai besoin pour classer mes affaires. J'en ai besoin pour travailler. Maudit que le monde m'écœure des fois. Parce que quand c'est le temps que j'ai des affaires à donner, puis tout, il y a tout le temps du monde disponible, hein? Puis tout. Mais quand c'est juste, j'ai besoin de... Il va falloir que je paye quelqu'un. Il va falloir que je prenne des déménageurs si ça continue. J'en ai de besoin. Le monde, il pense-tu que c'est un caprice? J'en ai besoin de mon secrétaire. C'est pas une joke. Maudit que ça me choque, ça. Si bol que ça m'enrage. Faut pas que j'y pense. Faut pas que j'y pense. Hein? Je suis très connecté avec les animaux. Ah oui. Moi aussi, mais c'est une connexion que je ferme pour pouvoir fonctionner, pour être connecté avec moi-même, parce que sinon, ben, ça fait, tu sais, je peux pas passer ma vie à prendre soin des animaux. Ma soeur était comme ça, elle ramenait des chiens abandonnés, des chats abandonnés. À un moment donné, il faut que tu prennes le virage numérique. Comment ça, le virage numérique? Moi, j'ai des papiers assez pareils, là. Le virage numérique, je reçois pareil des affaires par la poste, là. Il faut que je gère ça pareil. Je veux dire, si je garde de quoi longtemps? En tout cas, je veux dire, admettons que je garde de quoi longtemps, je reçois des affaires parce que des fois, il faut voter, il faut. T'sais, j'en lis en masse là, des affaires là, sur des écrans, là, des maudits bilans, puis je passe mon temps à lire des maudits bilans, puis à regarder des graphiques, puis des fois, il faut que je les imprime, puis j'ai pas. Bon, c'est ça. Fait que les chevaux aussi, très puissants. Moi, ben, les chevaux, les contacts que j'ai eu le plus avec les chevaux, c'est que quand j'en mange. Mais il y en a rarement à l'épicerie. Avec le temps, je m'étais rendu compte que c'est très ferreux. J'avais de la misère à digérer un peu. Fait que j'avais arrêté d'en acheter. Mais bon, d'habitude, ça revient moins cher que le bœuf, souvent, là. Puis, mais là, je ne veux pas choquer personne, là, mais moi, ça m'arrive des fois de. Mais moi, dans longtemps que c'est pas trop cher, moi, je peux manger n'importe quoi, là. En autant que, bon. Hein. C'est pour ça que peut-être que. Je voudrais jaser avec Trump parce que peut-être qu'il comprend pas tant que ça les Chinois, puis qu'il va se faire avoir, puis s'en rend pas compte. On verra. Mais depuis une couple de, c'est eux autres qui se font. Le fentanyl, c'est une guerre de l'opium, ça. Ça a été voulu, puis ça a été pensé. De toute façon, la Chine, je pense même pas qu'il y a une guerre commerciale tant que ça entre. J'y crois même pas. Ça a l'air de comme. C'est comme des gangs de rue qui chicanent pour des territoires, mais dans le fond, c'est toute la même gamique. Ils ont tous les mêmes banquiers en haut d'eux autres. Ils ont tout le même monde en arrière. Ça revient à quoi, là? Et où la guerre? Et les deux, ils s'est liés au FMI, puis là, ils rachètent la dette de l'autre, puis c'est des guerres de gangs de rue. Ils se battent pour des coins de rue. Bon, c'est juste qu'à cette heure, c'est mondial, puis c'est des gros, gros, gros coins de rue. Bon. Connaissez l'huile de Nigel? Oui. Oui, c'est cher, ça. Mais j'en ai aussi. Ah bon. Qu'est-ce que je disais donc? Qu'est-ce que je disais? Mais il reste que. Je ne le sais pas. Des fois, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je ne vois pas. J'ai pas de talent dans grand. J'ai du talent dans d'autres affaires, mais j'aime pas les milieux associés. J'ai du talent pour les arts visuels, mais j'aime pas les milieux La dernière fois que j'ai fait partie d'une affaire d'artiste, là, parce que pour avoir des subventions, puis gna gna gna, puis avoir des connexions, faut se mettre dans des maudits regroupements d'artistes. C'est rempli de caves qui font des champs de bols de cristal, puis c'est des idiots. Je veux rien savoir de ce monde-là. Puis c'est pareil, plein de, tu sais, comme, bon, j'ai de l'intérêt aussi pour la composition, puis la musique, mais même là, c'est des niveaux que je veux rien, c'est des milieux que je veux rien savoir. Je suis pas capable d'endurer ces gens-là. Puis ça fonctionne, c'est vraiment comme des clics, puis il faut quémander, puis là, c'est surtout des affaires de subvention, puis de connexion, je veux rien savoir. Je veux rien savoir de ça. Puis même dernièrement, j'ai encore du monde qui m'écrivent. Ils m'écrivent à toutes les 2 ans. Je reçois un courriel, ils veulent que j'expose à Londres. J'ai pas le temps. J'ai pas envie. Moi, là, il va falloir que je mette de. Voyons, là, ça m'intéresse pas. J'ai rien de préparé. J'ai rien de. Ça m'intéresse pas. Mais à toutes les. Ils se réessayent. Je ne sais même pas comment que ça qu'ils me connaissent. Ben franchement, vous avez fini par décrocher un sourire. Ben oui, je souris souvent. Mais il reste que. Il y a des. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Dans les choses que j'ai du talent, les seules affaires que je peux endurer puis que je peux faire absolument seul, c'est ça. Puis que dans les milieux que je comprends bien, puis que j'ai un certain talent, c'est tout. Fait que là, finalement, c'est drôle, hein, parce que. Si je regarde ça, dans les années, quand j'étais début de la trentaine, j'avais même pas de carte de crédit parce que j'étais contre la finance. Puis j'étais contre le crédit, puis j'avais une vision extrêmement moralisatrice. Puis pour moi, c'était le mal. Puis finalement, je suis en train de devenir ce que j'haïs. Ce que j'haïssais le plus étant jeune, c'est ça que je suis en train de devenir. Ce que j'identifiais comme le mal total et absolu, les gens les plus épouvantables qui ne méritent pas de vivre, c'est ça que je suis en train de devenir. Je la pogne pas moi non plus, je la comprends pas, mais c'est ça pareil. Impossible d'être un artiste quand on est transparent, il faut toujours se travestir. Ben, le monde des arts, moi j'ai un mépris. Finalement, mon mépris pour les artistes puis les intellectuels puis ces affaires-là est devenu, c'est un Blue Yeti micro, je le sais pas. Aucune idée c'est quoi. Zil Sound, c'est ça qui est. Je vais pas regarder avant qu'on me le demande. Moi, j'ai pris le moins cher pour rapport qualité-prix. C'est tout. Puis qui arrivait vite. Qu'est-ce que je disais donc? Ah, mon mépris pour les intellectuels, les artistes, les philosophes, les professeurs, ces milieux-là est moins grand que le mépris que j'avais pour la finance. Donc, ceci explique cela. Dans le fond, par élimination, finalement, de toutes les affaires que j'avais, semble-t-il, que j'avais certains talents, finalement, ben, c'est ça. Finalement, j'ai fini par considérer que les gens en finance sont moins méprisables que les artistes. C'est quand même curieux. Hein? Bonsoir, Berthold. Bonsoir à tous. Bonsoir, Roselyne. Fait que finalement, il reste que, bon, ben, je vais pouvoir peut-être un jour avoir la paix. Mais je suis pas encore tranquille. Je suis pas encore tranquille. C'est comme j'écrivais à un correspondant, j'ai dit, je suis pas assez confiant. Non, je suis pas encore tranquille. Je me sens pas encore à l'abri. Pas du tout. Puis même loin de là. Loin de là. Puis je me sens pas. Je me sens encore vulnérable. Je me sens encore vulnérable. Je me sens encore. Non, je veux pas. Dans le fond, ça va s'arrêter quand? C'est à partir de combien qu'on se sent à l'abri? Je le sais pas, hein. Moi, tant que j'ai pas les moyens de me payer un bloc cash, non, je me sens pas à l'abri. Puis même là, c'est comme mon cousin qui a un paquet de blocs. Dans le fond, c'est pas comme s'il l'avait. Je le sais pas comment il gère ses affaires, j'en ai aucune idée. Ben, franchement, là. Non, je me sens vulnérable encore, je me sens pas à l'abri. Je me sens encore. Toute ma vie, je vais m'être senti en danger. Je me sens encore en danger. C'est loin d'être évident. Moi, ça doit venir de l'enfance. Mes parents, j'ai tout le temps été persuadé de l'amour de mes parents. Ça, je n'ai pas le problème. J'ai pas eu d'insécurité affective étant enfant. Par contre, j'ai jamais eu confiance en mes parents, puis je me suis tout le temps senti vulnérable parce que je considérais mes parents comme des gens irresponsables. Pour toutes sortes d'aspects. Parce qu'au fond, la façon que je voyais ça, ils n'étaient pas assez sérieux à mon goût. Ça ne veut pas dire que c'était pas du monde sérieux, ça ne veut pas dire que c'était pas des bons parents, mais ils étaient pas sérieux à mon goût. Je me suis jamais senti vraiment à l'abri. Parce que je le savais que c'était des mauvais gestionnaires, que j'aurais pas de patrimoine, que j'aurais rien, que tout était bâti sur du sable. La maison de ma grand-mère, qui était une maison, je le savais qu'elle partirait, qu'il y a un pourri qui la ramasserait, puis que maintenant je suis suffisamment âgé pour vivre au jour le jour. Ben, j'ai vécu longtemps au jour le jour parce que justement j'essayais de me dire, ben c'est pas ça qui est important dans la vie. Puis mes valeurs, c'est pas ça. J'étais idéaliste, si on peut dire. Puis j'ai fini par me rendre compte que ça n'avait pas de sens, puis que j'étais idiot, que c'était pas intelligent. Se sentir en sécurité dépend plus d'un état intérieur que du contexte. Ben, c'est ça que je pensais. Mais votre extérieur va être consécutif à votre intérieur. Puis ce que vous avez intégré au niveau intérieur, ça va avoir des répercussions sur l'extérieur. Toute ma vie, j'ai été entouré de gens qui étaient solides intérieurement, mais extérieurement, il n'y avait rien de solide, donc c'était pas réel. C'était pas réel. C'est pas plus confortable, je sais pas. Si on se sent vulnérable, on le devient. Même là, je trouve que c'est des affaires, c'est on est dans le monde des idées, là. C'est pas concret. Comprenez-vous? On le devient. Les idées sont pas puissantes à ce point-là, c'est le contraire. C'est le concret de la vie qui est plus important que les idées, puis les affaires de ce qu'on pense, puis comment qu'on se sent. Moi, je suis rendu à un point, je m'en fous de la pensée, puis je m'en fous des sentiments. C'est pas concret, c'est pas réel. Je considère que c'est pas réel. Tandis que quelqu'un qui est capable de mettre cash, temps, ça, c'est réel, c'est concret, parce que ça a des répercussions. La compréhension face à l'argent devient plus compliquée. Donc, se calmer à l'intérieur et se faire confiance dans les transactions, oui. Ça, oui. Changez votre perception de tout. OK, je viens de comprendre l'affaire de la belette du CERN. Vous voyez comment je suis fatigué, là. Changer l'affaire de perception. J'avais pas la bonne perception. On m'avait pas transmis les bonnes valeurs, puis je le savais intérieurement, puis ça a été long avant que je le comprenne. Puis que j'identifie pourquoi c'était pas réel. Puis là, qu'il a fallu que j'étudie tout ça, puis que je comprenne qu'est-ce qui est arrivé à la génération de mes parents. Pourquoi ils étaient caves de même? Comment ça se fait que cette génération-là sont gnochons de même? Parce que c'est sûr, ils ont des valeurs qui sont pas réelles. Il y a eu la contre-culture, il y a eu les bibittes, il y a eu toute la cochonnerie de psychédélique des années 60, 70. Il y a eu toute la marde. Qui est ça, c'est pas réel. Ça, c'est pas réel. Ça vaut rien. Puis, il y a une grande partie de. Ah non. Ah, que je suis tanné de ça. De Saint-Cyboire de tabarnak de Bon, désolé. Quand le voisin d'en haut, il vide son autre vaisselle, c'est moi qui ai tout le reflux puis qui ai toute la marde dans la mienne. C'est pour ça que c'est important. C'est important d'avoir du concret, Chris. Parce que si c'était mon bloc, Chris, les drains ne seraient pas tous plugués sur le même tuyau, Asti de Saint-Cyboire de tabarnak, Asti, que ça m'enrage. Ça me choque tellement. Il va tout falloir que je relave tout. Comme si j'ai le temps, moi, j'ai le temps de faire ça. OK, on se sent. Ouais. Le concret, c'est plus important que les idées, oui. On s'en rend compte quand on passe un mois à vivre dans son char, moi. Que l'hiver arrive, qu'on s'en fout des trucs intellectuels puis spirituels. Oui. Ben oui, comme j'ai vécu dans des trous à rats, c'est pas une farce, là. Avec des vendeurs de drogue, puis des putains, puis des junkies, puis dans des milieux horribles. Ça, c'est concret. Moi. Ben oui, mais ça m'enrage tellement. Ça me choque tellement. Faut tout que je relève. Parce que le bloc est mal fait. Parce que ça a été construit par des imbéciles. Les plaintes électriques ne sont pas sur des murs extérieurs, ils ont été posés le long des murs intérieurs. Au lieu de les mettre en dessous des fenêtres comme ils seraient supposés. Tu sais, en arrière, non, il est là, là. Il n'y a rien qui a été fait logiquement dans le bloc. Rien. Rien. Ça a été bâti par des mangeux de marde qui voulaient. C'est mal fait. Tout est mal fait dans ce bloc-là. Ça a été construit par du monde pas intelligent qui voulait faire de l'argent vite fait. Puis, ça fait 30 ans que les fenêtres devraient être changées. Mais c'est de la marde, c'est des hosties de fenêtres qui coulissantes. Il n'y a rien qui est en bois ici. Il n'y a pas de mastic. Y a pas. C'est ça, des fenêtres. Des fenêtres, là, c'est du verre, du mastic puis du bois franc. Pas des cochonneries de PVC puis collées, puis dans qui coulissent dans des cochonneries de plastique. Puis c'est tellement de la marde. Le monde qui ont bâti ces affaires-là dans les années 70, là, puis 80, là, ils mériteraient d'être pendus, câlisses. Tellement ça me choque. C'est tellement de la cochonnerie. Quand on a vu c'est quoi des vraies maisons, on le comprend pourquoi la génération de nos parents sont caves. C'est pas ça des vraies maisons, c'est pas ça des vraies familles, c'est pas ça du vrai monde. C'est pas réel, ça. Ça a été fait par des cabochons, des hosties d'imbéciles de jeunesse d'aujourd'hui. Faut pas, je pense à ça. Ça me choque trop. Ça, en tout cas, ça s'enlève. Oui, c'est direct, pop. Oui, je sais, c'est le concret, soit le réel, mais la façon dont on l'aborde, c'est cela qui fait la différence. Je suis en constante recherche d'argent, bien capable de. Puis le pire, c'est que je devrais plus être stressé de même. Il vous aime tellement, le voisin. C'est pas qu'il m'aime ou qu'il m'aime pas, il n'a pas le choix. Il n'est pas pour jeter son eau de vaisselle par la fenêtre. Tu sais, je suis pas capable de comprendre. Je ne vais pas y péter une coche à lui. Même pas à propriétaire, elle aussi, je la comprends. De ne pas changer les fenêtres, puis d'augmenter le loyer, puis je ferais pareil. Mais si c'était moi qui avais bâti le bloc, il ne serait pas fait de même. Pour reconnaître. Tu sais, c'est tout sur le même. Voyons donc. C'est tellement pas. C'est pas normal, il me semble. Même dans la vieille Siren noir et blanc, les ploufs, les blocs ont l'air mieux faits que ça, puis c'est des décors. Tu sais, en tout cas, toutes les fois où j'ai eu peur dans certaines situations, j'ai pas pris les meilleures solutions. Ouais, pourtant, c'est pour ça que je suis devenu. En tout cas, je suis dans la construction aujourd'hui, c'est pas mieux. Je le sais! Je le sais. Il y en a une maison pas loin sur le coin d'une rue à date des années. À date des années 20. J'aimerais bien ça l'acheter. Ça, c'est bien construit. C'est bien fait. Il y en a un autre ici. Je suis dans le pire, c'est que je suis dans les beaux quartiers, moi, là. Je suis dans les plus beaux coins de la ville. Il y en a une hors des coups des années 30, là, de ici. Un belle. Mais tu sais, moi, j'aime pas ça, là, hors des coups. J'aime pas ça les années 30, mais c'est, on voit que c'est bien fait. Mais j'ai peur, tu sais, il y a un promoteur qui reste là, puis ils ont fait des rénovations. D'après moi, ils l'ont magané. Mais ça, les fenêtres ont l'air d'origine. C'est le fun quand c'est des vraies fenêtres. Je veux dire, il y a un carreau qui casse, on enlève et on va remettre du mastic. Puis... En tout cas, ici, là, j'ai de l'air froid qui sort par le tour des cadrages. Le tour des cadrages, il sort de là. Le mur mitoyen qui sépare les deux séries d'appartements, il y a de l'air froid qui sort en dessous des plinthes à terre. Le vent passe par le nord, le vent rentre par les blocs de béton, c'est comme des cochonneries de béton moulé de blocs Lego, puis il n'y a rien qui isole ça, puis le vent rentre, puis il rentre dans le mur mitoyen, puis l'air frais passe par en dessous des plinthes. Après le monde, oh, ben, peut-être que tu te fais voler de l'électricité. Non, je me fais pas voler d'électricité, c'est le bloc qui est mal isolé. Je vis dans le nord. Ça a été bâti comme pour en Floride, le bloc, par des caves. La maison que j'avais achetée quand j'ai été propriétaire, la même affaire, je me suis fait avoir. C'est à un moment donné, je décide que j'encastre la partie d'une bibliothèque, puis là, je me rends compte que le mur de planche embouffetée, c'est le même que le mur extérieur, puis que mes murs sont... Là, je comprenais pourquoi que c'était si dur à chauffer. Puis c'est moi qui ai fait les trappes dans le plancher pour que le poêle à bois, que la chaleur remonte, parce que toutes les caves qui avaient vécu là avant nous autres, il n'y en a jamais un qui avait eu l'intelligence de faire des... Je pose un lustre, je défais le lustre, puis savez-vous ce qu'il y avait dans l'entretoit? Il y avait de la chip de bois, puis ça chauffait, puis c'était rendu noir. Là, quand j'ai vu ça, j'ai monté dans l'entretoit pour que les fils, j'ai tout rechecké. L'inspecteur qui m'a fourré, qui m'a pondu un rapport de 700$, il avait jamais, il avait même pas regardé. Il m'avait rien dit de tout ça. La maison, elle avait été isolée avec de la poche de jute. Les soffites sur le bord du toit, ça avait été tout pogné de la poche. La maison respirait pas, c'était noir de moisissure dans le toit. Faut pas j'y pense. Faut pas j'y pense. Mon agente d'immeuble, faut pas que j'y pense. C'est des affaires. Je suis resté marqué. Je me suis fait fourrer par absolument tout le monde. J'ai rencontré absolument personne d'honnête. Personne. Personne n'était honnête. Ils se sont tous essayés. Quand je l'ai fini par la vendre, la maison, puis que je m'en suis débarrassé, là, je t'ai rendu diabolique. Je t'ai rendu. Là, je connaissais toutes les... Oh, mais jamais je ferais ça à personne. Ce qu'ils m'ont tout fait, jamais je ferais ça à personne. Je suis pas méchant à ce point-là, je serais pas capable. Mais l'agent d'immeuble, elle mériterait de passer une partie de sa vie dans une cellule. Puis l'inspecteur, là, il mériterait d'être mis au pilori pendant une semaine. Puis le monde de la municipalité, là, il mériterait d'être flagellant en public. Moi, ça faudrait pas que j'aille les. C'est des affaires, c'est criminel. C'est criminel. Ben, moi, pour le viol, il y aurait la peine de mort. C'est pas compliqué. On ramène ça comme en 1880, peine de mort. Voyons. Il y a des affaires, si on ne sévit pas, il se passe rien. Il se passe rien. C'est comme l'autre qui est allé chier dans le lobby de la banque, là, que la police fait rien. Il me semble que quand tu peux être un itinérant puis avoir un minimum de savoir-vivre puis aller faire ça dehors dans la ruelle, au moins, maudite marde, mais la police, ils font pas de répression. Ils font pas de répression. Ça manque de voler. Ça manque de violence, mais à la bonne place. De la violence saine. On nous a enlevé ces notions-là que ça peut exister, que austérité, ça peut être une saine sévérité. C'était pas péjoratif dans, en tout cas, faut pas. C'est pas surprenant qu'au Québec, les Hells Angels se soient recyclés dans la construction, c'est ça la crosse, puis de la crosse de construction. Moi, les Hells Angels, là, je les aime bien. C'est comme une police parallèle. Il y aurait des marchés pareils, parallèles. Puis eux autres, ils assurent une certaine stabilité. Là, avec tous les migrants que Trump sac dehors, on peut aussi bien se ramasser avec des cartels d'Amérique centrale ici. Puis j'espère que les Hells ne laisseront pas se faire ça, qu'ils ne se laisseront pas voler les marchés, puis qu'ils ne laisseront pas faire. Je veux dire, moi, j'ai rien contre les Hells. Ils assurent une certaine stabilité. Ils assurent. C'est pareil la mafia, c'est pareil. Il va tout le temps en avoir de la criminalité, aussi bien que ce soit des criminels qui ont de l'allure, qui ont un certain honneur, qui ont un certain code de conduite, hein? Comme qui a aidé pendant la reconstruction du Japon après la Deuxième Guerre mondiale, c'est les Yakuza. C'est mieux eux autres que des criminels américains de marde de MacArthur, puis des violeurs, puis des pourris. C'est aussi bien des Yakuza qui ont un vrai sens de l'honneur, puis qui aident. Qui ont réellement aidé les gens. Ça en prend des criminels, mais il faut que ce soit les bons. Pas sûr de. En tout cas. Bon, j'ai une façon peut-être élastique de penser, mais c'est ça pareil. Moi, c'est une question de logique, puis c'est une question d'équilibre, puis c'est une question de rentabilité, puis de. Comment je pourrais dire ça? De bon fonctionnement, puis d'harmonie. C'est encore construit de cette façon aujourd'hui. Je te souhaite de déménager dans un environnement plus favorable. Ben, oui, mais pour ça, il faut avoir les moyens. Ce n'est pas du 5 que vous avez l'hiver. Du moins 5. Ben non, c'est bien plus bas que ça, là. Ça descend proche ici, là. Je suis dans un coin les plus froids, là, de la province. Au bûcher. Bon, ça dépend à qui. J'habite dans un bloc neuf et derrière chez moi, il y a un étang. Non, il y a un champ de soya. Le froid entre par les cadrages de la porte d'entrée. Oui, c'est comme là, cet hiver, l'hiver prochain, je vais la porte patio, je vais mettre un plastique qui fait complètement la porte patio, puis qui fait même le tour du cadrage. Je m'en fous d'arracher la peinture. Ça va faire. Je suis écœuré de payer des factures de fou. La propriétaire à chialera pas, elle est aussi. Elle me ressemble sur certains aspects. Elle va comprendre que je veux faire baisser la facture. Je vois rien qui montrer, puis elle va. Hein? Cette humanité doit revoir sa position sur l'argent. Ben, ça dépend. C'est individuel, là, la position sur l'argent. Moi, je n'ai pas envie que le collectif vienne me faire la leçon. Puis j'ai bien de la misère avec ceux qui veulent voter des lois par rapport à ça. Comme là, c'est rendu illégal de se promener avec 2000 pièces sur soi. C'est quoi ça? Voyons, depuis quand que. C'est quoi ces niaiseries-là? Non, non, l'argent, ça fait partie des supports qu'on a qu'on peut s'assurer une liberté. Une certaine liberté. Ça prendrait aussi des peines de prison pour des fausses accusations. Ben oui. Ben oui, c'est sûr. Moi, je parle des affaires démontrées, là, que c'est clair, là. Tu sais, je veux dire, vous êtes mieux de relâcher quelqu'un que vous n'êtes pas sûr que de mettre quelqu'un qui n'est pas coupable en prison. On ne peut pas prendre de chance non plus, là. C'est déjà fait à Laval, les Arabes ont pris le dessus sur les Hells et les Beaux. On verra, mais là, c'est des milieux que c'est Laval que je connais pas, là, mais. La relève est pas assez bonne. La dépend de quoi? Moins 20. Ben non, ça descend bien plus bas que ça ici. Moins 20, là. Moins 20, là, je me promène dehors, pas de manteau presque ici. C'est pas si pire. Moins 20, c'est quand je vois ça, moins 20 l'hiver, là. Genre, c'est le fun, je vais pouvoir aller faire mes commissions à pied. Qui a tué la troisième petit cochon? Je sais pas. Moi, je vais tout le temps me rappeler comment ça finit, ça. Il mange le loup. La vraie histoire, le loup, il veut passer par la cheminée de la maison de briques, il tombe dans l'âtre, puis ils le font bouillir dans le chaudron, puis il le mange. C'est ça la vraie histoire, les trois petits cochons, puis il y avait une leçon là-dedans. On a, vous voyez, si vous voulez à tout prix là, protéger vos enfants de toute violence, vous voulez protéger vos enfants de ci, de ça, vous allez en faire des cabochons. C'est dangereux. Les contes, c'est pas pour rien que ça avait des fois des aspects cruels, puis durs, puis traumatisants, puis inquiétants. C'était fait pour faire peur aux enfants, parce que c'était lié à des leçons qu'il fallait intégrer jeune par rapport au réel de la vie. La barbe bleue puis ces femmes étranglées, ça existe des barbes bleues. Il y en a. C'est pareil, des loups, il y en a. De tout aussi bien de le savoir puis de les manger. Hein? Que de se faire manger. C'est comme ça. Le Québec doit faire sa monnaie au plus vite. Ça, je suis d'accord. Mais surtout frapper des pièces d'investissement d'or. On a la ressource, puis on n'a pas de réserve. D'un autre côté, est-ce que je mettrais une réserve dans les mains des gens qui nous gouvernent? Je ne suis pas sûr. Je parlais d'une moyenne au Québec. OK, moins 20, moins. Basé sur la valeur de l'or, argent et patates, moins. Ça dépend toujours des patates. Comme en Europe, leurs patates, il paraît qu'elles goûtent rien. Quand j'ai visité l'île du Prince-Édouard, leurs patates sont vraiment de qualité. Mais supposément que c'est à cause de la terre rouge de l'île que c'est de qualité comme ça. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce coin-là. Puis, ben, c'est sûr que, bon, c'est des. Le monde pense que j'aime pas les Anglais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des choses qui vont me mettre en colère. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on a l'air imbécile à côté d'eux. Ça me choque. Il y a certains aspects qu'on est vraiment des arriérés. D'ailleurs, quand le régime anglais sont arrivés, il y avait encore l'emmaillotage. Ça, l'emmaillotage, c'est les bébés de 0 à tel âge sont enveloppés comme des momies au point de se faire déformer les jambes dans des bandes de tissu. Puis là, les excréments s'accumulaient là-dedans pendant des mois. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On donnait encore des morceaux de chiffon trempés dans le whisky aux bébés pour les endormir. Il y a un paquet d'affaires. Les Français, là, à Québec puis à Montréal, ils portent encore des perruques à poche. Ça, c'est une espèce de perruque à l'intérieur, il y a une sorte de poche, puis les gens avaient les cheveux mi-longs jusqu'ici, là, les hommes, là, puis là, ils se rentraient tous les cheveux dans une plat pour la perruque. Puis comme il n'y avait pas les poudres qui venaient de Paris, ils se mettaient de l'amidon. Puis là, ça durcissait, puis ça faisait des croûtes, puis là, les parasites se promenaient là-dedans. On revient de loin, là. La coupure avec la France était peut-être pas mauvaise jusqu'à un certain point. Quand on regarde comment on vivait, ce qu'on était, c'est vraiment une civilisation d'imbéciles. Jusqu'à un certain point, il y a des affaires qui n'avaient aucun sens. Il y avait ce qu'on appelait des toupies. Ça, une toupie, c'est une prostituée qui fait le tour de la ville puis qui donne des maladies à tout le monde. Là, tellement qu'il y a des médecins qui avaient des registres pour suivre les toupies pour mieux soigner leur monde. C'est des choses qu'on ne nous parle pas, mais que ça fait tellement dur. Les gens avaient des chancres, puis des furoncles, puis ils soignaient ça de des façons. C'est inimaginable d'où on vient comment est-ce que les Anglais, jusqu'à un certain point, c'était normal qu'ils nous méprisaient. Ça n'avait pas de sens. C'est n'importe quoi. Il y a des choses que je considère que c'était mieux, mais il y a d'autres choses que. Puis ils ne nous apprennent pas ça. Les historiens n'en parlent pas. C'est des choses horribles. Moi, faire un film historique, ça serait un film d'horreur sociale, avec des détails épouvantables. Puis bon, une mine d'informations. Ouais, ben, surtout des choses comme ça, moi, que j'ai accroché parce que ça me choque. J'arrive pas à croire que nos ancêtres étaient stupides à ce point-là. Il y a des choses que par la simple logique, par la simple déduction, ils auraient pu comprendre que ça n'avait pas de sens puis que c'était malsain. Mais non! Mais non! Puis on est encore pareil. On est encore pareil. Donc, jusqu'à un certain point, à un moment donné, il va falloir arrêter. Oui, on est une société distincte, ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute qu'on est une société distincte. Hein, en Amérique, mais de la même façon que je considère qu'on ne se fait pas respecter, parce qu'à un certain point, il va falloir qu'on réalise qu'on ne l'est pas respectable sur certaines choses. Parce que c'est encore comme ça. C'est comme dernièrement, j'avais une sorte de petite infection de la gencive. Puis là, j'ai acheté des rince-bouche. Les marques que vous connaissez de différentes sortes. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, là, ça va faire. Ça marche pas. Ce qu'ils nous vendent, c'est de la cochonnerie. Je me retrouvais plus irrité qu'avant. Puis pourtant, c'est pas à cause d'un problème d'hygiène, c'est tout simplement probablement que j'ai eu une petite brèche qui est rentrée entre la gencive puis la dent. Puis finalement, moi, la toupie. Mais non, non, j'ai pris du gin. Ça a réglé le problème. Il y a de la baie de genièvre dans le gin. Puis il reste de l'alcool. Non, non, le clou de girofle, c'est juste pour. Ça sert d'analgésique, puis ça gèle un peu, mais ça a pas des vertus, ça a pas des vertus antiseptiques tant que ça. Non, non, on gâte cuit plus citron. Non, non, du gin! Du gin! C'est ça qui réglait le problème. C'est bien moins compliqué, puis c'est bien. Puis en plus, j'en ai tout le temps. Puis ça a fait l'affaire, puis c'est réglé. Du bon vieux gin canadien dans des bouteilles vertes avec un cœur dessus. Là, à cette heure, la bouteille de gin est dans la salle de bain sur le comptoir, puis elle va rester là. Ben oui, c'est de maintenant, ça va être mon rince-bouche, c'est ça. Moi, je vais m'en partir de cette heure, ça va être le gros gin. C'est avec ça que ça a réglé le problème. Ah, même pas le lendemain, c'était réglé. Police au cognac. Ouais, mais. C'est trop sucré, je trouve, le cognac, puis comme certains autres alcools. Mais le gin, c'est médicinal, du gin. Ça a fonctionné. Et à partir de cette heure, je la garde sur mon comptoir de salle de bain, c'est mon rince-bouche, du gin. Puis en plus, ça fit avec toutes mes autres affaires de salle de bain. Moi, c'est tout en verre. Tu sais, du verre vert, là. Mais j'ai mes bouteilles d'affaires de médecine puis de cossin, c'est en verre vert. Ça vient de Belgique. Puis ça donne aussi que mes affaires, mes marques de cossin que je prends comme crème arrosée, puis tout, c'est toutes des affaires vertes. Fait que la bouteille, elle fit bien dans le décor. Hein? La baie de Genièvre a des propriétés surprenantes, oui. Ben oui. Puis. C'est drôle, hein? Ça m'est venu d'un coup, à un moment donné, j'ai dit, je vais prendre du gin. J'en ai tout le temps une bouteille dans l'armoire, je vais prendre du gin, je suis sûr que ça va régler. Puis c'est exactement, ça sert à rien d'aller acheter, ils vendent une sorte de listerine, là, il est mauve, là. Cette affaire-là, d'après moi, c'est dangereux pour la santé. Tellement c'est fort. Ça m'abîmait la peau des gencives, qu'elle pelait. Je touche plus jamais à ça, hein. C'est vraiment, on dirait une affaire pour nettoyer les cuvettes de toilette. Voyons, je vais pas me mettre ça dans la bouche. Je vais prendre. Ça a l'air con, mais il reste que aussi, on a des remèdes qu'on connaît qui viennent de. Bon, au Canada, c'est connu. Ben, je repensais à ça. Il me semble que je me rappelle les robineux, là, il n'y avait jamais de problème. Je repensais même à un que je connaissais qui aimait bien le gin, puis il avait tout le temps des belles dents. Puis C'est pour moi, le gin, ça ferait. Puis, ben oui, Listerine goût de pétrole. Ouais, faut que je fasse attention, ils voudront pas me commanditer. Non, je veux pas être commandité, mais il reste que, ben franchement, ça a réglé le problème. Puis ça a l'air con, mais le fait qu'il y a de la baie de guenièvre, puis moi je considère que c'est un remède, le gin, je m'en garde tout le temps au cas où j'ai un mal de gorge. Les staphylocoques, ces affaires-là, ça règle le problème. Ils devraient vendre ça à la pharmacie. Du gin. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que ça ait déjà été vendu dans des pharmacies, mais il reste que, ben regardez, aux États-Unis, là, les drugstores, puis bon, il y avait tout le temps. Je veux dire, il y a juste au Québec, on a la commission des liqueurs, mais comment qu'ils appellent ça dans ce temps-là? Société des alcools. Ça en est une affaire distincte que je trouve qu'il n'y a pas de bon sens, qu'il n'y a pas d'allure. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des négociants en alcool? Ça n'existe pas ici. Il n'y a personne qui peut être négociant en alcool. Non, c'est la société d'État. Ça a été créé dans le temps de la prohibition pour profiter des Américains qui venaient. Ça a été créé pour ça. C'est resté une sorte de mafia de société d'État. Les sociétés d'État, j'ai bien de la misère avec ça. Mais pas au point de moi, faire comme l'autre, le Musk qui a fait, là. Dans le fond, c'est pas le vieux manteau que la caissière juge, mais la laine de gin. Non, ben moi j'ai pas, j'ai pas aucune mauvaise haleine, ni d'alcool, ni hein. Pour la monnaie, faudrait que je les y avais pas. Ok, pour la monnaie. Oh. Mais non, je sens pas la robine. Là. Pour que quelqu'un qui ait une haleine d'alcool, faut qu'il en prenne pendant un bout de temps, une partie de la journée, à moins qu'il prenne la vodka. La vodka, ça, il n'y a pas d'haleine d'alcool. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'alcooliques, c'est ça qu'ils prennent en cachette. Donc, on peut commencer par l'utiliser entre nous, et plus tard répandre. Oh, vous parlez de la monnaie, ben là, si c'est une monnaie d'investissement, on ne transigera pas avec ça. Comme par exemple, si vous achetez des monnaies d'investissement, des pièces d'argent ou des pièces d'or, il va avoir une valeur d'écrit dessus. Ça va de 1 $ jusqu'à 25, 30, 40, il y a même des 100 $ en or et en argent. Mais la pièce, elle vaut beaucoup plus cher que ce qui est écrit dessus, là. Si vous allez au dépanneur pour vous payer, c'est n'importe quoi, là. Une pièce que c'est écrit 5 $ dessus, elle vaut 1 800, là. En or. C'est pareil, les pièces d'argent, il va avoir une valeur d'inscrite dessus, à moins que ce soit juste les Maple Leaf. Que ça, d'habitude, il n'y a pas. Mais bon. T'as transigé. Un peu comme moi. Mais il reste que. Non, je parlais pour qu'on ait une réserve d'or. Quand un État crée une réserve d'or, il faut qu'il frappe des pièces. Puis, mais ça fait partie de ce qui appartient à la population, techniquement. C'est comme ça que les Allemands en Afrique ont créé la Kruger, là, la pièce Kruger, qui est une pièce d'or avec une espèce d'antilope dessus. À un moment donné, il y a eu une réserve en Europe, une ancienne réserve de, je me rappelle plus, c'est quel état. C'était des pièces que le public avait même pas accès à ça. Ça faisait partie de la réserve d'or de l'État. Mais à un moment donné, ils en ont mis en circulation pour pouvoir en acheter. Je me rappelle plus c'est laquelle. Vraiment, c'est comme mais tous les pays qui ont le moindrement un petit peu de bon sens ont fait ça. Prenez voyons, il y a les kangourous australiens. Il y a aussi les violons, là. Ça vient d'où, ça, donc, les violons? Je pense que c'est autrichien, ça. Les philharmoniques de Vienne, là, les pièces avec des violons dessus. Il me semble que c'est la blood somme des Suisses. Je suis pas sûr que c'est des Suisses, les Kruger. Il me semble que c'est une colonie d'Allemands en Afrique qui frappait ça. Battre monnaie, moins. Les pièces Helvetia, ouais, c'est une autre affaire, ça. Il y a aussi même le Pays de Galles. J'ai déjà vu des pièces d'argent que c'est le Pays de Galles, il y avait le dragon gallois dessus. En passant, là, il y en a une espèce de cabochon de complotiste qui fait de l'argent sur le dos de la crédulité du monde, qui arrête pas de parler la White Dragon Society. Puis si vous regardez le logo de ces niaiseries-là, vous allez remarquer, c'est un dragon gallois qui a été modifié. Ça n'a rien à voir avec ni le Japon ni la Chine. C'est toute de la foutaise. Même pas capable de trouver un logo qui soit vraiment issu de. Non, non, c'est un. On dirait même, on pourrait dire, c'est signé. Ben, c'est un dragon gallois. À un moment donné, je le sais, je le connais, il est sur des pièces d'argent du Pays de Galles, qui sont liées au Pays de Galles. C'est là que. C'est pour ça que je l'ai reconnu quand je l'ai vu. Ben, c'est un dragon gallois. C'est comme il y a certains. C'est comme je suis capable de reconnaître un griffon qui vient des Irlandais. Ou je veux dire, c'est comme un triskel de l'île de Man, je le reconnais tout de suite. Je veux dire, là, il y en a, ils sortent des affaires. C'est n'importe quoi. C'est toutes des coups montés pour mener le monde en bateau. Puis ben c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est des escrocs. La plupart de ces gens-là, c'est des escrocs. Il y en a un qui s'était sauvé au Japon, là, je me rappelle plus de son nom. Hein. C'est des escroqueries. C'est parce que probablement qu'il commençait à avoir des enquêtes sur lui, puis peut-être le fisc. Puis il foutu le camp. Mais il continue ses affaires de là-bas, puis il continue à amener les gens en bateau, puis à demander des dons. Puis c'est tous des escrocs, tous. Désolé. Je veux dire, il n'y en a pas d'alternative. Il y en a de sérieuses. J'en ai jamais. Moi, en tout cas. Pendant des années, à chaque fois, je vois un petit détail qui fait qu'on se rend compte que finalement, c'est des arnaques. Bon, ouais, lui, j'ai aucune confiance. C'est clairement de la foutaise. C'est que pourquoi qu'il s'est sauvé là-bas? Il y avait le fisc après lui, je vois pas d'autre raison. Moi, mettons que j'ai besoin de me sauver, je vais avoir une planque dans mon coin à moi. Je ne vais pas aller me sauver avec tambour et trompette. Hein? Voyons. De toute façon, en plus, c'est des pays que il y a des ententes de. Bon, si c'était vraiment grave, puis tout, je veux dire, il y a moyen de. Là-bas, là, je veux dire, c'est pas comme si le Japon s'était coupé du monde, là. Bon. Par contre, quand c'est le temps, quand c'est un vrai criminel qui a commis, mais qui est d'origine japonaise, qui retourne là-bas, par contre, là, ils vont le protéger. Mais pas s'il vient de. C'est comment qu'il s'appelait le gars qui a mangé une Hollandaise à Paris, là? Ils l'ont protégé toute sa vie. C'est d'un pire vidange de l'histoire du Japon, c'était rendu une vedette. Comment qu'il s'appelait donc? Issei Sagawa. Issei Sagawa, l'espèce de bonhomme de 3 pieds de haut, là, qui pesait 45 livres, là, qui était laid comme un monstre. Cette espèce de cochonnerie-là, de phoque génétique, de créature, d'avorton, de pourriture, d'espèce de. Ils l'ont protégé comme si c'était une célébrité, comme si c'était. Il y avait l'immunité diplomatique, ce gars-là. Ça, c'est le Japon, là, en toute sa splendeur. Moi, on dit qu'ils sont fous. C'est de la folie, là. Moi, je veux dire, j'irais même pas. C'est parce que son père était quelqu'un d'important. Et bon. Ça a tout le temps été de même. Y a-tu un pays qui c'est pas de même? Mais il reste que c'est insultant pour la France, c'est insultant pour la Hollande. C'est horrible. C'est inacceptable. Je pense même qu'il se faisait inviter sur des talk shows. Oui, c'était une vedette. C'est une vedette. C'est sûr qu'il surveillait. Mais de toute façon, lui, il cherchait qu'à manger des Allemandes, des Hollandaises. Lui, ce qui l'impressionnait, c'était les grandes, grandes femmes européennes, genre nordiques. Donc, au Japon, il n'y avait pas grand japonaise en danger. Je veux dire, ça court pas les rues. Hein? Donc, bon. Mais oui, c'était une vedette. Il a joué dans des films, il est interviewé, passé à la radio, il publiait des livres. Je veux dire, il a vécu dans l'opulence toute sa vie. Son père est mort il s'est suicidé de honte. Son frère est mort de honte. Sa mère est morte de peine. Il n'y a personne qui parle de sa famille. Comment sa famille. Les autres aussi, c'est des victimes. Mais non, le gouvernement japonais, il aurait dû l'enfermer dans une institution puis l'empêcher de. Voyons, là, à un moment donné, c'est une question de dignité nationale. Des affaires de même, t'es cash. Voyons, là. Tu laisses pas ça en liberté, cette cave-là. Je veux dire, c'est une honte pour toute la nation. Eux autres sont là. Ah, faut garder, faut pas perdre la face, l'honneur, c'est important. Puis, ben oui, vous êtes les êtres les plus déshonorables qui existent. Dans le coin. De tous les pays d'Asie, c'est celui que je trouve le pire. Le pire. Il laisse légal des distributrices avec des petites culottes de collégiennes dedans. Puis, quelle sorte de monde, c'est ça? Elle a la honte. C'est ça, c'est une honte. Eux autres, c'est pas compliqué. Quand ils font quelque chose de honteux, ils font comme si ça n'existait pas. Oh, ça n'existe pas. Les dames de réconfort qu'il y a eu en Corée, ça n'existe pas. Ça n'existe pas tout ce qu'ils ont fait en Nankin, sur on n'en parle pas. Le Japon est tellement décadent, oui. Puis ça, c'est depuis la défaite. Mais il reste que c'est. Avant, c'était déjà dans le temps que c'était un militaire, puis que c'était un empire avec Hirohito, qui était tellement consanguin qu'il était tellement myope qu'il vous voyait même pas les orteils, le gars. Il était même pas capable de monter puis de descendre d'un cheval tout seul, tellement c'était une espèce de cochonnerie. Je veux dire, c'est des monstres. Quand vous reproduisez des Dalmatiens, là, que vous essayez de garder la saphénie, qui ne voient pas clair, puis ils marchent tout croche, puis ils sont caves, c'est ça que ça fait. C'est ça, de la consanguinité. Mais Hirohito, c'est ça. Il était même pas capable de monter puis de descendre d'un cheval tout seul. Il était tellement myope qu'il se voyait pas. Je veux dire, s'il se mettait la main à une distance de bras, il se voyait plus le bout des doigts, le gars, même avec des lunettes. C'est des tarés. C'est un taré rendu là. Puis c'était une marionnette. Puis c'est des militaires qui gouvernaient le pays. Puis lui, il était juste là pour des raisons de cérémonie. Le shintoïsme, ils sont habillés en origami, habillés avec son habit d'origami, puis son bâton. Mais les cérémonies a pu finir. Christ, c'est quoi ça? C'est pas une civilisation, c'est une folie. C'est une psychose collective. Hein? Oh, nous autres, on descend d'Amaterasu, la déesse du soleil. Quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Va te cacher. Va-t'en, t'es en punition, envoyé dans le coin. On ne veut rien savoir de vous autres, c'est fini. Moi, je comprends même pas que les Américains aient aidé à refaire le renouveau économique, puis le macarthurisme, le général MacArthur. Moi, je trouve que ben, les Américains ils ont profité de. Mais il reste leur technologie au niveau des voitures. Elle vient d'Allemagne. Elle vient d'Allemagne, là, ce qui fait qu'ils ont, au niveau automobile, ils ont créé une. Je veux dire, ouais, ils ont inventé le transistor. Ben oui, mais l'électronique, c'est pas là que ça a commencé. Je veux dire, ils sont bons pour innover en prenant des affaires des puis en les. Un peu comme. Comment est-ce que ça s'appelait l'autre qui a acheté les brevets de tout le monde, là? Hein? En tout cas. Voyons, General Electric, là. Voyons comment il s'appelle, lui. La justice doit être établie dans ce monde. Ben, il y a une justice qui va se rétablir d'elle-même, c'est celle de la logique qui est implacable, c'est celle du réel. C'est-à-dire que je veux dire, regardez les otakus, puis, admettons qu'ils se déclarent une guerre, puis que la Chine envahit le Japon. Pensez-vous qu'ils sont capables de se défendre longtemps? C'est fini, là. Admettons qu'ils décident. Prenez, juste si la Chine décide d'envahir Taïwan, les Américains ne feront rien. L'avez-vous vu aller, Trump? Oh, oh, Taïwan devrait nous payer. Hein? Moi, je prendrais ça comme OK, allez-y. C'est un peu ça qu'il dit. Si la Chine envahit Taïwan, il n'y a personne qui va défendre Taïwan. Ni les Coréens, ni le Japon, ni les Américains. C'est eux autres qui ont le plus de bases militaires dans le Pacifique. Je suis persuadé qu'ils feront rien. Qu'est-ce qu'il va faire, Trump? Il va mettre des tarifs de 200%. C'est ça qu'il va faire. Au niveau militaire, lui, en plus, il a fait West Point. Ils défendront pas Taïwan. Moi, je suis sûr qu'ils le feront pas. Que la Chine, là, il devrait être rentré depuis longtemps. D'après moi, il n'y aura pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? La justice doit être établie. Et là, il y a quelque chose au niveau de la nature qui est implacable. Il y a des conséquences. Dans le sens que, ben, si tu te laves pas, tu vas t'infecter. C'est même ça marche. C'est pour ça que même les mouches, ils ont une toilette, même tous les animaux. Mais c'est pour ça que quand je vois l'autre qui a chié dans le lobby de la banque, là, c'est même pas le niveau d'une mouche. Même une mouche, elle va passer beaucoup de temps à faire sa toilette parce que sa survie en dépend. Présentement, les Japonais ont de bons compositeurs musicaux. La plupart sont engagés pour la musique de jeux vidéo. Moins. Ben, c'est sûr, pour des artistes. Mais quand une civilisation est rendue raffinée au point que c'est tout ce qu'elle a de bon, c'est les artistes, ben, elle a atteint un certain niveau de raffinement, c'est parce qu'elle est sur le bord de la mort. C'est pas bon signe, ça. C'est pour ça qu'un État devrait jamais subventionner les arts et la culture, c'est mauvais signe, ça. Si c'est viable tout seul, OK, mais il risque. Il y a un compositeur japonais qui est mort dernièrement, ben dans les dernières années, là, ça m'avait fait un petit peu de peine, ben c'était un compositeur que j'aimais bien. Voyons comment il s'appelait. Me rappelle plus. En tout cas, Sakamoto, c'est ça. Exactement. J'oubliais les frais de douane. Resteront pour la Chine pour l'instant. Ah ouais, ben c'est eux autres qui sont. Ouais, Ryushi Sakamoto. Ben, c'est eux autres qui sont visés depuis le début. Depuis le début. C'est pour ça que l'affaire comme les frais de douane pour le Canada, ça se tenait pas debout. Voyons, pourquoi? Ça se tient pas, ça fait partie du décor pour faire rendre ça que genre, oh, c'est pas personnel, là, mais la Chine, là, comme les autres, là, va falloir. Puis comme vous êtes de mauvaise foi, ben. Divertir pour pervertir, ben oui, divertissable. Thomas Edison, c'est ça. Lui, la première fois qu'il a présenté son gramophone, il y a quelqu'un qui est sorti de la foule, qui est monté sur la scène, puis qui essayait de serrer à gauche pour montrer que c'était un ventriloque. Ça, j'aurais aimé ça voir ça. Il a dû faire le saut quand tu voyais que la machine, ça continuait. Là, que... bon, en tout cas, de toute façon, les ventriloques, ça vient pas de. En tout cas, il y a différentes formes de ventriloquie, puis les vrais ventriloques, on n'y en a plus. C'était une projection, puis c'était à partir de l'abdomen, puis c'est vraiment spécial. Il venait à bout de faire ça même en buvant de l'eau. Mais ça s'est perdu, c'est peut-être mieux de même, là. Sinon, il y en a comme Pierre Blanchet qui vont dire que c'est de la sorcellerie. Hein? Mon ami vient de me montrer une vidéo de mosquée mobile au Japon. De mosquée mobile? Oh, ouais. Pourquoi pas? De toute façon, si vous regardez le Japon, ils prennent pas aucun immigrant musulman jamais. C'est un des critères. Si vous écrivez à religion dans les registres du gouvernement, quand vous essayez d'entrer comme pour avoir votre citoyenneté, ils vous refusent immédiatement. Ils n'ont aucun complexe par rapport à ça. Puis par rapport à bien d'autres affaires, là. Mais ils font de la discrimination, ils s'en foutent, hein. C'est pas ça qui. Mais bon. Ça fait combien de temps? Bon, on va faire 2 heures. Puis, il reste que. Mais c'est vrai, c'est Ryushi Sakamoto, moi, quand il est décédé, ça, ouais, je pensais pas qu'il était si vieux. C'est un grand compositeur, ça. Mais même encore là, de nos jours, les grands compositeurs, il y a eu un temps que les compositeurs, c'était des compositeurs d'opérette, comme Mazineb, des affaires de même. Puis aujourd'hui, c'est des compositeurs de films, puis éventuellement des compositeurs de jeux vidéo. Mais c'est pas nécessairement une preuve d'une certaine décadence. Ça veut pas nécessairement, c'est rendu là. C'est tout. C'est là maintenant que les bons compositeurs y vont, parce que c'est là que ça paye. Je veux dire, vivre de subventions pour faire de la musique symphonique expérimentale comme Boulez, ça, c'est de la médiocrité, là. T'es médiocre, là. Boulez, il n'y a personne qui écoute ça. Tout le monde s'en fout. Voyons, là, qui écoute ça? Hein? Mon ami vient de me... OK. Poppy est très populaire au Japon. Ça ne me surprend pas à l'air d'une petite fille. Ceci explique cela. L'art de la culture en dehors de la dégénérescence permettent l'expression de l'humain et l'ouverture au monde. Moi, je pense que c'est des compensations, l'art et la culture. Que c'est pas. D'ailleurs, moi, je vois ça comme ça. Je pense que c'est des compensations. Les peuples qui vont produire des grandes choses au niveau des arts et de la culture, jusqu'à un certain point, ça va être souvent, on dirait, ils ont atteint un pic au niveau civilisationnel, puis ils sont pas loin de. Parce que si on regarde le classicisme au niveau de la Grèce, c'est pas longtemps avant que les Romains arrivent, puis qu'ils prennent tout, puis que les Ptolémées tombent. C'est pareil après la Rome, puis ils ont atteint un certain niveau, puis après, c'était pas longtemps avant que. Moi, je trouve ça mauvais signe. C'est comme une fleur qui est dans la fleur de l'âge, ça, elle a atteint son apogée. Hein? Penses-tu que les brevets de Nikola Tesla pourraient nous permettre un retour à l'évolution? Quelle évolution? De quoi? Je crois pas à ça, ces affaires-là, de thèse d'évolution puis d'involution. Je suis plus là-dedans pantoute. Comme les brevets de Nikola Tesla, ça devient des os à ronger pour qu'on espère des affaires quasiment semi-miraculeuses au niveau de technologie qui nous permettent de très de. Mais dans les faits, là, j'ai bien de la misère avec ça. Oui, j'avais compris au niveau technologique. Le PO, moi, je suis pour un retour aux lampes à pétrole, presque. Si je pouvais, là. Pour ça, il faut avoir les. Oh, c'est drôle, hein? Aujourd'hui, c'est un caprice de riche de vivre de même. Parce qu'il faut avoir une terre, il faut se bâtir une maison, il faut. C'est rendu fou. C'est de la folie, là. Le pire au Japon, c'est ceux qui travaillent sans arrêt jusqu'à en mourir. Ben, c'est culturel. C'est. Les Allemands, ils ont un aspect comme ça, mais pas à ce point-là. Mais ça fait penser à des chevaux. Un cheval, vous le faites travailler, vous pensez qu'il va bien, puis qu'il n'y a pas d'effort, il a l'air correct, puis à un moment donné, bang, il tomberait de mort, de surmenage. Les Japonais sont comme ça. C'est-à-dire que leur existence collective et sociale est plus importante que leur propre vie, mais ils ont tout le temps été de même. Prenez au silex, non, je ne veux pas jusque-là, là. Non, non, moi j'aime bien ça, manger dans de la porcelaine, puis je veux dire boire dans des verres, puis. Non, non, pas à ce point-là, là. Mais, mettons, comme juste avant, peut-être les années 1890, hein, c'était beau, tu sais, je veux dire, tout était beau, puis bon, c'était pas parfait, mais. Au niveau esthétique, moi, ça me convient. Puis au niveau des conventions sociales, au moins, je comprends ce qui se passe. Au moins, je me retrouve, puis je veux dire. Bon, en tout cas. Moi, je trouve que c'est l'apogée de la civilisation. C'est l'ère industrielle début 1900. Pour moi, c'est ça qui était l'apogée occidentale de la civilisation. C'est le plus haut niveau qu'on a atteint. Donc. Au niveau, que ce soit au niveau esthétique, que ce soit la littérature, que de tout. Dans toute, même la mode, même la technologie. Moi, j'aime ça, les belles machines. Les belles machines avec des engrenages en fonte, là, puis c'était de toute beauté, puis ils mettaient même des espèces d'ornements, puis c'était toujours beau. Même quand c'était juste des machines utilitaires, ils s'arrangeaient pour que ce soit beau. Il y avait quelque chose de. Il y a une espèce d'esprit là-dedans qui a été perdu, que c'est pas pour rien, par après, les gens vont appeler ça la belle époque. Parce que c'était beau, mais c'était pas parfait. Mais il doit bien exister quelque chose entre les deux. Il doit bien. Les grottes, c'est un petit peu trop là. Hein? Mais ceux qui travaillent sans arrêt jusqu'à mourir, comme au Japon, mais je pensais à ça. Oui, les temps modernes. Ben, ce qu'on a appelé les temps modernes. Parce que là, on est dans le post-moderne. Mais. Je repensais aux Japonais. Il y a juste ceux qu'on peut avoir des espèces de gendarmes, de fonctionnaires, que pour une raison liée au niveau social, que c'est même pas de leur faute, mais là, il faut rattraper l'honneur d'un groupe de personnes. Là, on t'ordonne de te suicider, puis ils font ça devant tout le monde, puis il n'y a rien là. C'est tout à fait normal. C'est tellement contre nature, c'est tellement inhumain, c'est tellement imbécile, c'est tellement stupide que je pense qu'on peut considérer que c'est un des pires niveaux de décadence de l'histoire de l'humanité, ce système féodal-là. Qu'il y a eu au Japon. puis je comprends pas qu'il y ait du monde qui dit « Oh, moi, je suis une réincarnation, j'ai été un samouraï. » Je veux dire, t'es un imbécile, t'étais un robot, t'étais un cabochon, t'étais une merde, t'étais vide, t'étais une cochonnerie programmée, t'étais le summum de la... T'étais le summum de la programmation, puis là, ça te revient, puis là, t'as des mémoires de tout ça, puis là, t'es fier de tout ça. C'est le summum de la bêtise, ces affaires-là, ce système-là, du monde qui se faisait tuer pour des niaiseries, des idées. Comment il s'appelle? Georges Brassens, qui était une espèce de gauchiste, puis de fou, il a raison quand il chante « Mourir pour des idées », que c'est n'importe quoi. D'accord, mais de mort lente, oui. Mais finalement, c'est ça que tout le monde fait. On meurt tous pour des idées, qu'on le veuille ou pas, parce que c'est contextuel. C'est ça la société, on va appeler la société. Il y a une différence entre la société et la civilisation, à mes yeux. C'est pas tout à fait pareil. Être civilisé et être socialisé, c'est pas pareil. Il y a quelqu'un qui va être socialisé, il peut aller même contre son propre intérêt. Tandis que quelqu'un de civilisé, il va tout le temps garder une certaine dignité, il va pas... À un moment donné, il va dire non. Hein? J'ai vu une vidéo sur le musée en Serbie pour Nikola Tesla où les visiteurs tiennent des lampes dans les mains et qui s'allument juste lors d'une connexion avec une machine. Ouais, c'est parce que ils avaient inventé, je me rappelle plus comment que ça... Je suis pas bien calé là-dedans, mais c'est sans fil. Mais les compagnies d'électricité voulaient vendre du fil. C'est ça qui faisait fonctionner. Et puis JP Morgan, il a vu son intérêt là-dedans. Puis au niveau du développement, au niveau de l'industrie aux États-Unis, il a compris qu'il fallait vendre du fil. Mais il reste qu'à un moment donné, il aurait fallu... Ça aurait été correct pour une décennie ou deux. Une fois que l'argent est fait, là, on peut tomber dans le sans-fil. Mais ils n'ont pas vu ça de même. Mais c'est les Américains. Ils sont... Mais JP Morgan, je ne pense pas que c'était le monstre qu'on nous décrit. La même chose pour Carnegie. Puis, mais JP Morgan, je pense que... Bon, lui, je le trouve moins sympathique que d'autres. Là, mais surtout quand on y regarde la grosse patate d'alcoolique qu'il y avait dans la face. Mais il reste que... Je pense pas que c'était le monstre qui en ont fait. Puis même la Fed aux États-Unis, je pense pas que c'est le complot qu'on nous dit, puis je pense pas que c'est l'horreur qu'on nous décrit, que si depuis 1929, il n'y a plus de crise grave comme il y a eu, c'est grâce un peu à eux autres. Puis que ça a été un peu créé pour ça, pour éviter ça. Puis je pense que ça a plus servi que ça a nuit. La Fed, qu'on nous montre comme un complot monstrueux... Attention, là. Je pense qu'il y a bien de l'exagération. Hein? Salut. Un autre live juste quand j'arrive du travail. Moi, ben, je vais arrêter dans 6 minutes à peu près. Mais j'avais besoin de décompresser. On va dire ça comme ça. J'avais besoin de décompresser, d'avoir affaire à du monde. Hein? Ça fait changement d'avoir affaire à des affaires, des chiffres qui bougent tout seul, puis qui ont... Il y a quand même des humains qui peuvent faire de belles créations pour le monde, oui. Moi, je pense pas que l'être humain est fondamentalement bon comme le bon sauvage de Rousseau, mais je pense pas qu'il est fondamentalement mauvais à la base comme certains fanatiques religieux obsédés par l'idée du péché originel le voient. J'ai une vision qui est ni un ni l'autre. Je veux dire, j'en ai pas de vision dans le sens que je suis persuadé qu'on est tellement subjectif au niveau de notre perception puis de notre pensée que dès qu'on a une vision, c'est pas la bonne. Une vision, ça le dit, c'est une projection, c'est une construction, c'est pas réel. Donc, dès que notre idée est faite, c'est pas la bonne. Elle peut être plus proche du réel qu'une autre. Ça, je suis d'accord. Mais je me méfie beaucoup même de ma propre pensée. C'est pour ça que je ne suis jamais trop fixe dans mon affaire. C'est un scénario. Oui, ça dépend de quoi on parle. Mais là, un scénario, il faut qu'il y ait un assemblage puis une construction des idées au niveau d'un récit. Puis là, on se compte un récit. On se compte des histoires. Ce qu'on appelait se compter des histoires. C'est comment qu'il y en a une que je connaissais. Elle disait, ils se pètent des cartoons. La première fois que j'entends ça, une fille, elle disait, ils se pètent des cartoons. C'est dans les années... milieu 90, Elle est morte à Vancouver, cette fille-là. Puis c'est ça, elle, c'est la première personne que j'ai entendu dire ça. Ils se pètent des cartoons. Je vais tout le temps m'en souvenir. Une vision, c'est aussi voir des possibilités. Ouais, là, c'est être visionnaire. Mais ça va être par rapport à, justement, des fois, l'anticipation. Ça, c'est important. Surtout dans un domaine où il faut agir juste avant que les autres agissent. Bon. Fait qu'il faut être visionnaire. Il faut voir venir d'avance les choses. Puis, à un moment donné, on finit par se rendre compte que ceux qui font partie des mêmes clics, ils envoient des messages entre eux, puis on finit par décoder, puis voir venir d'avance. Mais ça, c'est parce qu'ils ont besoin de se renouveler. Ils ont besoin de se renouveler dans le sens qu'il y a toujours possibilité de réussir. Pareil, c'est pas vrai que tout est fermé. C'est un peu comme dans le temps, les familles royales qui faisaient des alliances avec des peuplades d'ailleurs. Puis là, tout d'un coup, il y a un prince arabe qui mariait une anglaise. Tu sais, c'est une vision, c'est aussi pour moi. Mais elle a raison, il y en a qui se font des cartoons. Oui. Ben oui. Mais ça, elle, c'est parce que c'était une jolie fille. Fait qu'elle avait souvent des hommes qui s'essayaient. Fait que là, ça venait de là, il se pète des cartoons, lui. En voulant dire, il s'essaye, mais Trump vient d'annoncer une pause, ouais, je sais. Ben, ça m'aidait à comprendre ce qui est arrivé, que je comprenais pas, là. Les tarifs des 75 pays peuvent négocier. Bon, spectaculaire, oui, j'ai vu ça. Ouais, vers une certaine heure, là, cet après-midi, là. Là, ça y allait par là. Mais je ne saurais pas où j'en suis avant demain. Moi, je crois en l'humain, même si notre expérience de vie est difficile. Ben, moi aussi. Ben, je crois. Je sais qu'il y a du bon. Fait que j'ai pas besoin de croire ou de pas croire, là. Mais je sais qu'il y a du pas bon. Fait que je me méfie aussi. Mais ça dépend, c'est du cas par cas, les humains. Notre histoire est construite là-dessus, sur des héritages à mariage, ouais. Les alliances. La civilisation russe vient à la fois d'Ukraine, mais aussi des Vikings. Parce que, à un moment donné, les princes qui dirigeaient, ils ont carrément demandé à des princes du Nord de venir gérer à leur place parce qu'ils n'y arrivaient plus. Mais c'est étrange, le côté au niveau de ce qu'on pourrait appeler la race, même si à cette heure on peut pas dire ça, c'est pas bien vu. Ça vient un peu c'est le berceau, c'est l'Ukraine. Mais le niveau administratif, puis l'aspect, ça vient des Nordiques, en même temps qu'il y a des mélanges avec les Eurasiens. Puis c'est quoi, dans le fond, le Caucase? C'est pourquoi qu'on va dire des Caucasiens. Puis dans le fond, c'est intéressant l'histoire de la Russie. Dans le fond, là. Dans son essence, dans son essence, sans la déformation et l'environnement. Je parle de la base. Moi. Même, là. C'est fascinant l'histoire car ça explique beaucoup de choses. Oui, puis on va être porté à vouloir expliquer. Fait que des fois, moi, ça m'a piégé. Des préjugés que j'avais à cause de l'histoire. Ah, moi, je vais devoir quitter. Ma grand-mère disait heureux les simples d'esprit. À présent, je comprends bien. J'ai presque perdu mon côté, je m'en foutiste. Ben, les simples d'esprit, dans le sens de pas se casser la tête. Moi, je le vois comme ça, là. Parce qu'au fond, il y a des aspects techniques à être trop simple, on est victime. J'en ai connu des simples d'esprit, puis il fallait les protéger. Il fallait les protéger parce qu'ils pouvaient pas eux-mêmes. Moi, c'est plus les simples d'esprit dans le sens de pas compliqué. Comme par exemple, je le sais que je suis pas quelqu'un de compliqué, mais que je suis quelqu'un de complexe. Mais c'est pas pareil. Quelle heure par chez vous? 16h53. Donc, je vais devoir me préparer à souper. C'est comme ça. Puis ça va me faire du bien de manger. Même ça me tente pas, là. Heureusement qu'on fait pas juste ce qui nous tente, hein. Bon, ben moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Donc, ça a été le fun. J'ai bien aimé ça. Ça m'a fait relaxer un peu. Ma journée stressante. Donc, bonne journée à tous.